bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir pour ce nouveau Mardi de l'espace qui est organisé comme à chaque fois par le CNES et par l'association Bar des Sciences Paris. Aujourd'hui, on va se pencher sur une sonde assez extraordinaire, c'est Rosetta. Rosetta percera-t-elle le mystère de la comète? C'est la question qu'on se pose. Et ben voilà, tout est en place. Les tweetos de My Science Work sont là. Et oui, vous pouvez effectivement suivre ce débat ou participer aussi au débat sur Twitter, sur la tweetosphère, avec le mot dièse, avec le hashtag KnesTweetUp. Xavier est là aussi. Salut Xavier. Oui, Xavier est là. Bonsoir Paul. En forme. Et ce soir, on va donc parler de ce qui est peut-être la plus belle aventure d'exploration spatiale actuellement en cours. Et probablement aussi l'une des plus ambitieuses en tout cas, c'est Rosetta. C'est une sonde qui est partie voici 10 ans de la planète Terre. Et son but, c'est d'étudier en profondeur une comète qui s'appelle 67P Churyumov-Gerasimenko. Et elle va y poser un atterrisseur appelé Philae. Et avec cette mission, on va avoir plusieurs premières. C'est la première fois, par exemple, qu'un engin va se placer en orbite autour d'une comète. C'est la première fois qu'un engin humain va se poser à la surface d'une comète pour l'étudier. Et c'est la première fois également qu'on va pouvoir suivre une comète et suivre son activité. À mesure qu'elle va se rapprocher du Soleil, on va voir la parer, se parer, on va la voir se parer de sa chevelure, on va voir son activité finalement arriver. Alors il y a une foule de questions évidemment qui se posent, des questions scientifiques, techniques. Un mystère effectivement, c'est quel rôle les comètes ont-elles joué dans l'apparition de la vie sur Terre? Et on espère avoir des éléments de réponse tout à fait probants avec Rosetta et Philae. Est-ce que les comètes ont ensemencé la Terre avec de la matière carbonée qui a pu donner la vie ensuite? Également, autre question, comment est-ce qu'on peut se poser sur un corps dont l'attraction gravitationnelle est plusieurs millions de fois plus faible que celle de la Terre? Oui, la comète, elle n'est pas très grosse et son attraction gravitationnelle est très faible. Et puis, autre question technique, quelle garantie que les systèmes sont en bon état après 10 ans passés comme ça dans le vide et dans le froid? Alors, dans quelques instants, je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants de ce soir. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Jean-Pierre Bibring et Philippe Godon. Alors, Jean-Pierre Bibring, Philippe Godon, est-ce que vous voulez bien nous parler de vous, nous dire un petit peu qui vous êtes? Jean-Pierre Bibring, prenez le micro. Bonsoir. Moi, je suis enseignant-chercheur, comme on dit. Je travaille à l'Université Paris-Sud à Orsay, dans un laboratoire spatial qui s'appelle l'Institut d'astrophysique spatiale, qui est un des, on va dire, une dizaine de laboratoires que le CNES a sélectionné pour fabriquer tous les instruments qui volent dans l'espace. Ma discipline, c'est ce qu'on appelle l'astrophysique embarquée, donc. On essaie de comprendre, pour ce qui me concerne, l'évolution du système solaire à partir d'instruments qu'on conçoit nous-mêmes. Ça nous envoie des données. À partir de ça, on essaie de reconstituer une histoire, celle du système solaire. Donc, c'est un métier quelque part fabuleux. Dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont été ou qui sont encore dans ce laboratoire. Et c'est vrai qu'on est peu nombreux, à vrai dire, quand on réfléchit, 10 laboratoires de 100, 150 personnes qui faisons l'ensemble de ce qui se fait de spatial en France. Ça fait peu, on se connaît tous. Mais on a beaucoup de chance en France dans la mesure où il y a un terreau entre le système de recherche, l'industrie et l'agence qui fait que le CNES, l'agence qui est le CNES, oui, qui fait qu'on participe à la plupart des grandes aventures. Actuellement, il n'y a quasiment pas une seule sonde dans le système solaire pour lequel il n'y a pas au moins un instrument qui est passé par nos mains. Et donc, les mains françaises, hein, on est d'accord, absolument. Les mains de ces chercheurs. Ce dont on va parler aujourd'hui, donc, de Rosetta, c'est une des sondes, une des missions auxquelles on a contribué, même en amont, je dirais presque, à proposer alors qu'elle existe. Alors, on va raconter l'histoire, ouais. Ensuite, de Rosetta. C'est trop tard. Non, mais juste un mot sur Rosetta. Quel est votre rôle avec Rosetta? Et donc, sur Rosetta, c'est une sonde, comme vous le savez probablement, et on le reverra, qui va aller à la rencontre d'une comète et se poser dessus. Donc, on va l'analyser à distance. Et donc, on a des instruments sur ce qu'on appelle l'orbiteur, même si ce n'est pas vraiment en orbite, qui vont observer le noyau cométaire à distance. Donc, et c'est l'engin qui va se placer autour, hein, qui va rester en orbite autour de la comète. Et une partie, un laboratoire, va se poser même dessus. C'est Philae. Et dans notre laboratoire, on a contribué à la fois à certains des instruments qui sont sur l'orbiteur et certains des instruments qui sont au sol, dans les caméras. Et on a la responsabilité ou la co-responsabilité scientifique globale de cet atterrisseur. Co-responsabilité de Philae. Et Philippe Godon, à votre côté. Donc, bonsoir, Philippe Godon. Je suis chef de projet au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Donc, nous sommes responsables à Toulouse, essentiellement de la partie atterrisseur de Philae. Nous avons participé à son développement. Nous avons fourni deux sous-systèmes de l'atterrisseur, les piles et les batteries. Alors, quand vous dites « nous », c'est quoi ? C'est le... C'est le CNES, c'est lui-même. Vraiment, c'est le CNES. Alors, lui-même. C'est pas le CNES qui a fabriqué. Le CNES a fait des études et a fait fabriquer par des industriels. Donc, les piles et les batteries. Et le système de télécommunication entre l'atterrisseur et l'orbiteur, parce que cet atterrisseur ne peut pas communiquer directement avec la Terre. Donc, on a installé des antennes sur le lander et sur l'atterrisseur pour pouvoir communiquer. Alors, c'est qu'une partie du rôle du CNES. Il y a une deuxième partie importante, c'est le SONC, le Centre d'Opérations... SONC, Science Operation Navigation Center, en anglais. C'est le Centre d'Opérations Scientifiques et de Navigation, en français. C'est-à-dire, on s'occupe de la planification des opérations scientifiques. Et la navigation, c'est calculer les trajectoires d'atterrissage et aider à la sélection des sites d'atterrissage avant d'atterrir. Donc notre rôle dans les mois qui vont suivre. Donc un chercheur, un scientifique et puis le responsable du programme Rosetta au CNES sont là avec nous. Alors messieurs, j'ai cru comprendre que vous ne vous quittez plus et notamment vous passez des nuits ensemble. La nuit dernière, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière, Jean-Pierre Bibring ? Donc, qu'on ne se quitte pas, ce n'est pas vraiment vrai, mais c'est vrai qu'on est très souvent ensemble et on va être de plus en plus d'ici la fin de l'année parce que les choses se précipitent un peu. L'ensemble est passé dans ce qu'on appelle un stade d'hibernation, c'est-à-dire qu'on ne communique pas avec la sonde tous les matins et ça faisait presque 4 ans qu'on n'avait pas communiqué avec elle. On l'a réveillée, essentiellement parce qu'elle est très loin du soleil, il faisait froid, on l'a réveillée il y a quelques jours et là, les uns après les autres, les instruments sont mis sous tension pour vérifier l'état dans lequel ils sont. Et ça se passe à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est vrai que c'est la nuit dernière qu'on a fait l'essentiel des tests pour vérifier qu'un petit nombre d'instruments, et ça continue ce soir, ça continue toute la semaine, fonctionne bien. En particulier, certains d'entre vous ont déjà vu passer des images. C'est des images qui ont été faites à 5h du matin la nuit dernière, 4h du matin, qu'on a obtenues et qui montrent qu'effectivement, les caméras à bord fonctionnent très bien, mais à très basse température. Alors, c'est cette image-là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, on est désolé, il y a plus d'exemplaires des autres images. Mais cette image-là, vous devez la voir, c'est donc une feuille A3 et vous pouvez la regarder. Alors, vu comme ça, ça ne dit pas grand-chose. Ça dit pas grand-chose. On ne sait pas ce que c'est, on dirait un peu des essuie-glaces. Mais, voilà. Mais c'est capital, évidemment, c'est passionnant. On est dans une configuration actuelle où, bien sûr, le lander est toujours sur l'orbiteur. On n'est pas séparés encore. On va être séparés le 10 novembre ou 11 novembre de cette année. Pour l'instant, donc, on est ensemble. Mais ça n'empêche pas de faire un certain nombre d'images. Et quand on fait des images, on a certaines des caméras qui, au premier plan, voient essentiellement les panneaux solaires de la sonde elle-même. Comme cette sonde part très loin dans le système solaire et que la propulsion en Europe, ce n'est jamais des sources radioactives, ce sont des panneaux solaires, nous avons d'énormes panneaux solaires, plus de 30 mètres linéaires de panneaux solaires, et qui sont sous forme de deux grandes séries de panneaux de part et d'autre. Et ce que vous voyez sur cette image, pour ceux qui sont dans cette image, ce sont les panneaux solaires vus depuis le lander qui est accolé dessus par les deux caméras qui sont dans cette direction-là. Alors ça paraît presque rien, mais en fait c'est beaucoup parce que les panneaux solaires observent le soleil et nous on est dans l'ombre, c'est-à-dire qu'en principe on ne devrait rien voir. Et c'est la réflexion du soleil sur certains des panneaux qui, par derrière, nous donne l'idée qu'on peut avoir. Et ça nous permet de vérifier non seulement que ça fonctionne, mais que l'optique est très bonne et très précise. Parce qu'on est au point depuis quasiment à quelques, on va dire à peu près un mètre de la sonde jusqu'à l'infini qui est là pour l'instant le bout des panneaux solaires. Donc pour revenir sur cette photo qui est tout à fait extraordinaire en réalité, donc ce sont donc les panneaux solaires qu'on voit avec deux des caméras sur les sept qui se trouvent sur l'atterrisseur, les sept qui font partie de l'instrument Shiva, qui est sur l'atterrisseur. Ce que vous appelez le lander, c'est donc l'appareil qui va aller se poser, qui va se séparer effectivement de l'orbiteur pour aller se poser sur Philae. Est-ce qu'on peut, comment ça s'est passé cette acquisition d'images, Philippe Godon? C'est un peu d'émotion là ce soir. Cette nuit, c'était à quelle heure? C'était aux environs de 3h du matin qu'on était. Donc c'était à Toulouse, hein? À Toulouse. Au Sonc, hein, dans ce centre. Voilà. On recevait opérationnel du CNES. Voilà. On attendait impatiemment 7 images, les unes à la suite des autres. 7 différentes images. Elles sont arrivées en mettant à peu près peut-être 40 minutes parce que le débit entre l'orbiteur et la Terre, on est à plus de, aux alentours de 4 unités astronomiques, 600 millions de kilomètres de la Terre. D'accord. Ça mettait 35 minutes à venir et le débit est très très faible. Donc, bien que les caméras contiennent pas énormément de pixels, il nous a fallu quand même 40 minutes pour récupérer l'ensemble des 7 images. Donc ça, ce sont deux images. Hein. Il y a deux caméras là qui ont été. Ce sont les deux panneaux solaires. Ce sont les deux panneaux solaires. Voilà. Il y a 5 autres images qui ont été prises par les caméras. Et alors, qu'est-ce que ces caméras-là, quoi, est-ce qu'elles vont servir, Jean-Pierre Bibring? Dès qu'on va se poser, elles vont essentiellement faire le panorama de l'endroit où on s'est posé. Donc ça sera la première fois qu'on observera de près un noyau cométaire. On va se poser dessus et on aura une idée de ce qu'est le noyau depuis le pied du lander, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres, jusqu'à l'horizon. Et on va faire ça en principe plusieurs fois. L'horizon, alors c'est à quelle taille un noyau cométaire? Celui-ci fait 2 km de rayon, c'est un relativement grand. On avait d'ailleurs visé un plus petit. Mais vous voyez, quand on est à la hauteur de cette table, l'horizon est à 30 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être claustro là-bas parce qu'assez rapidement, c'est noir, tout simplement. Donc l'horizon n'est pas très, très loin. Mais ce que l'on se pose comme question, bien sûr, c'est de savoir quelle est la structure à toute petite échelle comme à grande échelle. On n'a aucune idée actuellement du degré d'homogénéité. On sait qu'il y a de la glace, on sait qu'il y a de la matière organique. On viendra sûrement là-dessus ce soir. On ne sait pas à quelle échelle c'est mélangé. Et c'est de ça qu'essentiellement, de cette observation-là et des mesures que l'on va faire, qu'on va reconstituer toute l'histoire de ce que sont ces objets, comment ils se sont formés. Et on va le voir, ils vont nous apporter une information fondamentale sur probablement la manière dont la matière organique s'est formée. Donc on va, au premier ordre, dès qu'on va se poser, analyser par ce panorama la matière depuis le millimètre de précision jusqu'à quelques mètres à l'horizon. Et puis, il y a une deuxième fonction à ton instrument, Jean-Pierre, c'est qu'on va pouvoir savoir où on s'est posé réellement, parce qu'on vise un point, mais on a une incertitude autour de ce point. Donc, on va aller, grâce aux caméras, savoir où on s'est posé et aussi dans quelle position, dans quelle, on dit, attitude, on s'est posé. C'est très important pour nous parce que ça nous permet après de pouvoir communiquer avec l'orbiteur, avec nos antennes. Elles visent pas. Si on atterrit comme ça ou comme ça, on ne va pas viser. Si on est un petit peu de côté. Voilà, ou c'est pas, ça, exactement. Si pencher sur un côté, on ne visera pas tout à fait le même endroit. Voilà. D'accord. C'est très important. Alors peut-être qu'on peut regarder cette image-là. C'est celle-ci où on voit Rosetta. Je vous invite à vous tourner vers cette image. On voit Rosetta. Est-ce qu'on peut commenter cette image, Jean-Pierre Bibring? On voit Rosetta avec ses deux grands panneaux solaires, 30 mètres de panneaux solaires, c'est gigantesque. Qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les différents éléments là? Alors, la partie bleue un peu hexagonale qui est cassée, c'est effectivement Philae, que vous voyez en bleu dessus avec ses panneaux solaires. Vous voyez que Philae a des panneaux solaires. C'est tout petit, sur les bords. Là. Comme ordre de grandeur, le Philae que vous voyez là, il fait à peu près 1 mètre cube, c'est à peu près 1 mètre de diamètre. Ah oui, quand même. C'est 100 kilos. C'est 1 mètre et 100 kilos. Vous voyez qu'il y a des panneaux solaires dessus, sur Philae lui-même. C'est-à-dire que quand on va se poser, on aura deux sources d'énergie. On a des batteries des piles en fait, qui vont nous permettre de travailler pendant un jour ou deux. Et une fois que les piles seront mortes, on pourra recharger des batteries avec ces panneaux solaires. On ne réalise pas ce que sont les prouesses technologiques liées à cette affaire-là. Parce que quand on va recharger... À l'affaire énergétique. Ouais. Le maximum d'énergie qu'on va avoir quand on va recharger, ça sera quelques watts. Comme ordre de grandeur, sachez que la petite lumière que vous avez dans votre réfrigérateur, ça fait 12 watts. Nous, on aura la moitié de ça. La moitié de la puissance énergétique que vous avez. Et c'est ça que vont nous donner ces panneaux solaires. Et avec ces quelques watts, il faudra faire un nombre de choses incroyables. Il faudra, par exemple, réchauffer à l'intérieur de Philae, il y a une quarantaine de kilogrammes d'électronique. La température ambiante, quand on va se poser, sera de l'ordre de moins 130, moins 140 degrés. L'essentiel de l'électronique ne survit pas à cette température. C'est-à-dire que l'électronique est mise à l'intérieur de ce cube-là. Et il y a une quarantaine de kilos qui doit être à une température supérieure à moins 50. C'est pas très chaud, mais c'est quand même beaucoup plus chaud que la température à l'extérieur. Donc, il y a une quarantaine de kilos pour lequel il faudra réchauffer d'une centaine de degrés. Ça, c'est une des parties qu'il faudra faire avec l'énergie qu'on aura. Il y a une dizaine d'instruments, dont un carottage que l'on veut faire d'une trentaine de centimètres dans quelque chose réputé... 30 centimètres de profondeur. De profondeur, hein. Dans quelque chose de réputé aussi solide que du béton. Parce que c'est de la glace. C'est de la glace extrêmement froide. Et ça peut être extrêmement dur. Il y a de la matière organique peut-être très dure aussi. C'est quoi de la matière organique? C'est la matière dont on est composé. Composé, hein, essentiellement. Et il y a plein d'autres instruments. Il y a cette caméra, il y a deux spectromètres de masse à haute tension. Donc on fabrique de la haute tension. Et pour tout ça, pour chauffer ces 100 kg, ces 40 kg de 100 degrés, etc., pour forer à 30 cm dans du béton, on a 5 à 6 watts. Donc vous voyez un petit peu le genre de prouesse technologique que suppose aller dans l'espace. C'est que l'essentiel des instruments qui sont là, comme nos caméras, je dirais, c'est des technologies que chacun utilise. Sauf qu'il a fallu modifier ces technologies pour qu'elles puissent travailler dans des conditions extraordinairement différentes, très contraintes, en énergie, en température. Et c'est là que l'efficacité des laboratoires spatiaux, des spatiaux et de tout le montage que l'on a fait, voilà. C'est ça qui fait que ça coûte relativement cher, mais que on met toujours en relation l'ambition scientifique, essayer de comprendre ce que sont ces objets et les défis technologiques que ça suppose d'arriver à fabriquer des instruments capables de travailler dans des environnements si contraints. Ça coûte combien, justement, Philippe Godon? Vous avez dit que le CNES finançait une certaine partie, vous étiez cofinanceur. Non, on finance la partie française. Ouais. Donc les instruments un petit peu aussi le CNRS. Les instruments français. Pour l'atterrisseur, on a chiffré à 120 millions d'euros la participation française, mais c'est sur 20 ans, donc c'est pas une somme énorme annuellement. Et pour la totalité, donc qui est avec la sonde qui est financée par l'Europe, c'est 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard d'euros pour l'ensemble de la sonde. Et vous prenez le Philae là-dedans, dans les 1,3? Non, il faut les rajouter. Il faut rajouter Philae à cela. Alors, je vais continuer à vous poser quelques questions, puis après je vous passe le micro, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une idée, parce que là on est en train de se rapprocher de la comète. Jean-Pierre Bibring a expliqué que il y avait eu une longue phase pendant laquelle la sonde avait été endormie parce qu'on était finalement trop loin du Soleil pour que les grands panneaux solaires, même s'ils sont gigantesques, captent assez d'énergie pour garder l'ensemble en fonctionnement. Donc elle a été mise en sommeil. Elle s'est réveillée en janvier dernier. Quelles sont les phases à venir là? Quelles sont les prochaines étapes? Après la phase qui est en cours, qui s'appelle le post-hibernation commissioning, c'est la recette en vol complémentaire après être sorti de l'hibernation. La recette en vol, grosso modo, ça veut dire est-ce que mes instruments fonctionnent bien? Voilà, exactement. C'est une vérification de bon fonctionnement, mais encore, on vérifie différents modes de fonctionnement. On vérifie aussi que les instruments ne se perturbent pas entre eux. Enfin, on fait beaucoup d'activités différentes. Mais une fois cette phase finie, on aura au niveau de l'atterrisseur des essais au sol pendant 2 mois. Et après, on enchaîne avec la sélection du site d'atterrissage qui peut commencer dès juillet à partir du moment... Des essais au sol, je ne vous ai pas suivi. Alors, des essais au sol, c'est vérifier qu'on sait faire, traiter les données, planifier les opérations. Ah, des essais au sol, c'est-à-dire des essais au son, etc. Sur Terre. C'est sur Terre, voilà. D'accord, des essais sur Terre. C'est des essais entre les différents centres d'opérations. Parce qu'il y a plusieurs centres qui sont concernés. Sur Rosetta, il y a 4 centres. Il y a 4 centres. Donc, il y a le son qui est à Toulouse. Oui. Opération et navigation... De l'atterrisseur. De l'atterrisseur, de Philae en particulier. Il y a le centre de contrôle de l'atterrisseur qui est en Allemagne, à Cologne. Un autre centre, le centre principal de Rosetta, qui se trouve à Darmstadt, aussi en Allemagne, à l'ESOC. Et le 4e centre, c'est le centre des opérations scientifiques de l'orbiteur, qui se trouve à côté de Madrid, à Villafranca, et qui fait partie aussi de l'ESA. Donc vous avez des essais à faire au sol, donc sur Terre. Ensuite, alors moi j'ai noté des petites dates comme ça. Après, c'est la phase de sélection du site d'atterrissage. Alors, j'ai vu d'abord qu'à partir de mai-juin, il faut décélérer. Là, on est à peu près à quoi 30... 3 millions de kilomètres. 3 000 kilomètres heure. 3 millions et demi de kilomètres de la comète. on est à environ 1 km par seconde de vitesse relative à la comète. 1 km par seconde. C'est-à-dire 3600 km/h. 3600 km/h. Un petit peu moins que ça. Et il faut arriver à une vitesse... D'environ 1 mètre par seconde, c'est-à-dire 3,6 km/h. Donc 4 km/h, c'est la vitesse d'un homme qui marche. C'est-à-dire divisé par 1000 la vitesse actuelle. Oui. Voilà. Donc c'est sur quoi vous allez vous employer là. Alors, c'est pas nous, c'est le centre de Darmstadt. Oui, enfin, mais dire, voilà, je, c'est le projet. Global, oui, d'accord. Et on fait pas ça en une fois. C'est une série de freinages, un gros freinage au début, puis un freinage moyen, puis un tout petit freinage, jusqu'à atteindre la vitesse idéale. Donc, le 30 juillet, j'ai noté qu'on se trouvait à 2000 km de la comète. Début août, on commence à ressentir l'attraction gravitationnelle de la comète. 200 km peut-être, à peu près. Ouais. Après, on, fin août, on doit être aux alentours de 100. 100 km de et, distance. En septembre, on s'en rapproche encore plus, 70, 50, 30. Moi, j'ai 30. Lu 10 septembre, on est à 10 km. Non, ça, non, c'est très optimiste. Très optimiste, c'est, d'accord. C'est très optimiste. Moi, on n'est pas sûr de descendre jusqu'à cette altitude, oui, en tout d'accord. cas, pour observer. On n'est même pas sûr d'être aussi proche au final. Non, la décision n'est pas prise. On verra comment la comète dégaze et quel est c'est le niveau de sécurité de la sonde. Qui va venir. Il ne faut pas se rapprocher trop. Ben oui, c'est très dangereux de se rapprocher. D'abord, c'est un relief assez irrégulier. Oui. Donc, il y a des bosses et des creux. Il y a un risque de collision. Donc, il faut qu'on soit capable de savoir où va la sonde au moins pendant 24 heures, et avec une marge de sécurité. Il faut toujours avoir une idée de la trajectoire de la sonde dans les prochaines 24 dans heures. Dans les prochaines 24 heures. Si la sonde tombe en panne, qu'on ait au moins 24 heures pour la rattraper. Voilà. Fin et septembre, donc, vous aurez choisi le site d'atterrissage On l'aura définitivement choisi le 10 octobre. 10 c'est-à-dire octobre. Normalement 30 jours avant d'atterrir. C'est ça. Et là, au moment d'atterrissage... Parce qu'on atterrit autour du 11 novembre. Voilà, à quelques jours près. À quelques jours près. Oui, autour du 11 novembre. D'accord. Et là, on est obligé de vraiment se rapprocher de la surface de la comète pendant juste le moment où on va séparer l'atterrisseur Philae. Et là, on sera en 2 et 3 km d'altitude par rapport au sol de la sonde, pas par rapport au centre. Quand on dit 30 km, c'est plutôt par rapport au centre de gravité de la comète. Oui, pardon, c'est pas de la surface, oui. Voilà. D'accord. Alors, on va pouvoir détailler hein, toutes ces étapes, bien sûr, parce que on a dit un mot quand même, par exemple, des risques. Hein. C'est vrai que la comète, elle va dégazer de plus en plus. Hein. Elle va projeter des particules. C'est pourquoi on atterrit aux environs du 10 novembre. On s'est rapproché suffisamment du Soleil pour avoir suffisamment d'énergie. Mais d'énergie électrique, voilà, reçue de la part du Soleil. Mais par contre, on n'est pas trop près, c'est-à-dire que la comète n'a pas commencé à vraiment dégazer. Voilà, elle dégaze un petit peu, mais essentiellement du CO2. Elle n'a pas commencé son dégazage en vapeur d'eau. Voilà. Le dégazage, c'est-à-dire le fait que les glaces se subliment. Hein, voilà, la sublimation du sol. La sublimation, c'est le fait de passer instantanément... Du solide au gazeux. Au gazeux. Dans l'espace, on ne peut pas passer par la phase liquide. On ne passe pas par la phase liquide. Il n'y a pas suffisamment de pression, il y a même une pression quasiment nulle. Voilà, c'est ça. Bon, alors on a compris, hein, grosso modo, on a fait une sorte de panorama, si je puis dire, de ce qui allait se faire avec Rosetta et la comète, quelles allaient être les opérations. Mais tout ça, dans quel but, Jean-Pierre Vibrin, qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? Enfin, une bonne question, voilà. Non, c'est pas une question. C'est une question piège. Mais Jean-Pierre Vibrin, il dit non, au contraire. Non, c'est pas une question piège. Si on a mis tout ça en branle, c'est bien qu'il y a une raison derrière. Bon, la raison est multiple. De toute manière, il y a toujours cette idée d'essayer de découvrir dans la diversité tous les objets du système solaire. Et c'est vrai que les comètes ont quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que cette mission-là a une histoire très particulière. Il faut se souvenir qu'en 1986, donc ça remonte maintenant à une trentaine d'années, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que pour la première fois, on a été à la rencontre d'un noyau cométaire. La comète de Halley revenait, vous savez que la comète de Halley, cet objet de grande dimension finalement, qui fait une trentaine de kilomètres, ce qui pour une comète est grand, elle a une période de 76 ans. Tous les 76 ans, elle se rapproche du Soleil. Et quand elle se rapproche du Soleil, elle est tellement grande qu'elle se vaporise suffisamment, de manière suffisamment importante pour qu'à ce moment-là, pendant plusieurs mois, il y ait une deuxième lune qui apparaisse. Et c'est pour ça qu'on a des traces de cette comète depuis très longtemps. Une deuxième lune, ça veut dire quoi ? Qu'elle est brillante dans le ciel. C'est comme si pendant quelques mois, vous aviez non pas une, mais deux lunes. Et ça dure quelques mois et ça disparaît. Et vous ne le revoyez plus parce que 76 ans plus tard, en moyenne, vous n'êtes plus là. Et donc, c'est vrai que les gens ont toujours repéré cette chose-là comme une lumière importante. Et il se trouve qu'en 86, elle revenait. En fait, personne n'a vu en 86 parce qu'elle était du mauvais côté du Soleil. C'était deux jours qu'on la voyait, donc on ne la voyait pas. Mais elle est revenue et donc il y a 5 sondes spatiales quant à sa rencontre. Et dans ces 5 sondes spatiales, il y avait 2 sondes soviétiques qui s'appelaient Vega parce qu'elles ont d'abord été voir Vénus larguer quelque chose et continuer vers la comète de Halley. Il y a 2 sondes japonaises qui passaient relativement loin pour voir la queue cométaire essentiellement. Et la première sonde interplanétaire de l'Agence spatiale européenne qui s'appelait Giotto. Et le but, c'était d'aller voir de près un noyau cométaire, puisque la comète revenait de près. On s'est dit, on va rentrer dans la chevelure, dans la coma, pour essayer de s'approcher au mieux, pour voir de quoi est fait ce matériau. Et il y avait une question essentielle qui taraudait les gens, c'est de quoi est fait la matière carbonée, organique? Parce qu'on sait depuis longtemps que l'essentiel d'une comète, c'est de la glace d'eau. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça se vaporise et que c'est facile à comprendre. Il y a longtemps qu'on savait qu'une comète, c'est pour 80% de la glace d'eau. Mais dans la glace d'eau, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi d'autres choses, dont des composés carbonés. Et il y a toujours cette idée que pour le vivant, il y a besoin de carbone. Et on se demande d'où vient le carbone essentiellement, sous quel composé. Il n'était pas là à l'origine Justement, il était à l'origine, très simplement, mais on ne savait pas sous quelle forme. Et ce qui taraudait les gens était la chose suivante. Dans le système interne, comme vous regardez Vénus, mais aussi d'ailleurs la Terre primordiale, etc., ce qui domine dans l'atmosphère, c'est du gaz carbonique, du CO2. Sur Vénus, il y a 100 barres de CO2. Si vous regardez les planètes géantes, c'est, je dirais, le contraire. C'est-à-dire que c'est non pas du CO2, mais du CH4, il y a du méthane. Les planètes géantes, ce sont celles qui sont les plus Jupiter, Saturne. Ouais. Et on savait que si vous voulez fabriquer à partir de petites molécules des grosses, c'est plus facile si vous partez de CH4 plutôt que de CO2. Or, la vie a démarré sur Terre, où à principe, c'est plutôt du CO2. Et donc, la question était, est-ce que c'est sur Terre qu'on a transformé le CH4 en CO2 ou est-ce que c'est Jupiter qui a transformé son CO2 en CH4? C'était ça, typiquement, les questions. Et on s'est dit, ben voilà, il y a une bonne manière de le faire, c'est d'aller voir une comète, parce que les comètes sont formées loin, donc plutôt près de l'endroit où on trouve aujourd'hui les planètes géantes. Et dans l'atmosphère des comètes, on voyait plutôt du CO. On s'est dit, tiens, quelles sont ce qu'on appelait les molécules mères? Quelles sont les molécules à partir desquelles les composés carbonés sortent quand la glace se sublime? C'était ça la question fondamentale. Et donc, on a construit toutes ces sondes pour aller voir ça de près. Et le grand résultat qui a été obtenu, mais personne ne l'a imaginé à l'époque, et c'était une véritable découverte, peut-être une des plus fabuleuses quelque part. On n'a peut-être pas très bien parlé, parce que comme toujours, nous, on parle moins bien que les Américains. Il n'y avait pas de sondes américaines, donc... La grande découverte, c'était que cet objet-là, dont on savait qu'il était fait de glace, et quand vous avez un objet fait de 80% de glace d'eau, vous attendez à ce qu'il soit blanc. Si vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc pour de bonnes raisons. On s'approche de ce noyau, et toutes les sondes se sont aperçues que ce noyau-là, c'est le plus sombre des objets du système solaire. C'est plus noir que votre veste. C'est plus noir que du noir de charbon. Le noyau de la comète est complètement noir. Et en même temps, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait raison, c'est bien fait de glace d'eau. 80%, c'est de la glace. Mais c'est une glace incroyablement sombre. C'est trois fois plus sombre que les parties de la Lune les plus sombres. Les mers lunaires sont un albédo à peu près de 10%. L'albédo, comme on dit, c'est-à-dire la quantité de lumière qui repart d'un noyau cométaire, c'est 3%. Ça absorbe 97% de la lumière qui tombe dessus. Comment on l'explique? Et pourtant, c'est fait de glace d'eau. Ouais. Et c'est là que les gens réalisaient... Ça signe quelque chose de tout à fait fondamental. Et la raison qu'on a imaginée à l'époque et sur laquelle on vit toujours, c'est qu'en fait, le carbone n'est pas majoritairement sous forme ni de gaz carbonique, ni de méthane. C'est ni du CO2, ni du CH4. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui domine. L'essentiel du carbone est sous forme de molécules très particulières, probablement des macromolécules très réfractaires. Des grosses molécules. Des très grosses molécules, vraisemblablement. CH4, c'est des petites molécules, donc simples, on pourrait dire. Ce sont certainement déjà des molécules très complexes, qui ont comme particularité d'être très absorbantes. Et la complexité, on aime ça quand on cherche la vie, parce que la vie, c'est des molécules complexes. L'ADN, par exemple, c'est une molécule complexe. Ça, c'est sûr. Mais on ne savait pas s'il fallait partir de petites et qu'ensuite le système en a fait des grosses, si on part déjà de grosses. Et ce qu'on a réalisé, pour aller vite avec cette affaire-là, mais elle est fondamentale par rapport à Rosetta, c'est que ce qu'est une comète, c'est quelque chose qui s'est formé en même temps que les autres objets du système solaire, et donc il y a quelque part échantillonné le nuage à partir duquel tous les objets sont formés. Qu'est-ce que ça veut dire échantillonner? Échantillonner, ça veut dire que ça pris le matériau qui était là au démarrage, et puis ensuite, ça l'a emprisonné dans quelque chose qui était suffisamment froid et éjecté suffisamment loin du Soleil pour rester pendant plus de 4 milliards d'années dans un environnement où rien n'a changé. Donc les comètes, ce sont des reliques des débuts du système solaire. Elles des ont débuts très du peu nuage, évolué. Très peu évolué, mais mieux que ça, elles sont formées suffisamment loin pour avoir préservé réellement le matériau de départ. Et on réalise qu'à ce moment-là, dans ce matériau de départ, c'est-à-dire le matériau à partir duquel toutes les planètes se sont formées, le carbone avait déjà évolué vers des formes extraordinairement complexes qui sont piégées dans ces noyaux cométaires. Avec cette idée que peut-être bien que ce sont précisément ces molécules qui piégeaient dans les comètes, si des comètes ensuite sont venues ensemencer des océans terrestres, ils ont non seulement apporté de l'eau. Ça on le sait. Oui, enfin, ce qu'on ne savait pas, c'est que dans une bouteille comme ça, il y a deux verres de comètes. Mais c'est vrai que... Il y a deux verres de comètes dans une bouteille de 50 centilitres. Mais si vous voulez que l'eau vienne des comètes, ça ne change pas grand-chose parce qu'H2O, c'est toujours H2O, que ça vienne d'une comète ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'une très grande fraction de cette eau était en fait sous forme de carbone et que ce carbone était sous forme de macromolécules. Une grande fraction de cette eau était sous forme de carbone. Il y avait du carbone dedans. Oui, c'est ça. et qu'en même temps que ça apportait l'eau, ça apportait aussi le carbone. Du carbone. Mais non pas du carbone sous forme de petits composés, mais peut-être de ces macromolécules qui sont le fameux chaînon manquant de l'évolution vers le vivant. Ah, on cherche un chaînon manquant, là. C'est toujours la fameuse question. Ouais. Comment vous passez de l'inerte au vivant ? Et donc, de molécules simples, comme CO2, à des molécules complexes, comme celles qu'on trouve dans le vivant ? Oui ou non ? Parce qu'à nouveau, vous êtes dans cette idée qu'il faut partir de simple pour faire du vivant, pour faire des grosses molécules. Il n'est pas exclu que précisément on n'ait pas besoin de partir de petites parce que peut-être qu'on en avait déjà des très grosses au démarrage, mais qui étaient fabriquées dans l'effondrement du nuage qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Il y avait déjà ces molécules-là. Elles ont bien sûr disparu lorsque les planètes sont formées, mais elles sont gardées intactes dans les comètes. D'où l'idée, j'en reviens en fait à notre mission Rosetta, de se dire que finalement, on est passé à côté de quelque chose avec les survols de la comète de Halley, puisqu'on n'avait pas les instruments pour ça. Personne n'y avait pensé, donc on ne savait toujours pas, et on ne sait toujours pas ce qu'est ce matériau-là. Des gens qui sont dans la salle, dont Alain, qui est ici, qui était d'ailleurs à l'origine de toutes ces petites caméras, il était présent aussi quand on a fait cette exploration de la comète de Halley. Et c'est vrai qu'on a construit des instruments pour essayer de regarder ce qu'étaient ces molécules mères, mais personne n'a pensé qu'il y avait ces macromolécules. Donc on s'est retrouvé après cette exploration avec cette idée tout à fait nouvelle qu'effectivement les comètes ont pu jouer un rôle majeur dans l'évolution de la complexité vers le vivant, mais à charge pour nous de savoir ce que sont ces molécules. On ne sait toujours pas les propriétés de ces molécules qui ont été nécessaires ensuite pour que le vivant puisse effectivement se construire dessus. Et donc la première idée, c'était de se dire la mission suivante qu'on devrait consister à aller dans un noyau cométaire, prendre un grand bloc de cette glace, ramener cette glace sur Terre et l'analyser. Parce que sur Terre, on a voulu faire un retour d'échantillon. Donc un retour d'échantillon. Et on a ramener conçu des morceaux de comète sur Terre. Et on a conçu une mission qui s'est appelée en anglais Cometary Nucleus Sample Return, retour d'échantillon d'un noyau cométaire, qui était une mission faite conjointement par la NASA et l'ESA. Et c'est une mission pendant laquelle 2-3 ans on a travaillé pour... on était convaincus que ça devait être l'étape suivante. Hélas, comme souvent ça se passe, la NASA a décidé d'abandonner sans même nous prévenir. Oui, et donc, ça me dit quelque chose. Et donc, on s'est retrouvé seul sans pouvoir faire cela parce que l'ESA toute seule n'avait ni la compétence ni le financement pour faire ça. Et on s'est dit, si on ne peut pas ramener de la glace pour analyser cette matière-là, ben on va faire l'inverse, on va fabriquer un laboratoire qui va aller là-bas. Et la mission Rosetta, c'est ça. C'est la mission qui, conçue par l'Europe et uniquement par l'Europe, a comme but d'aller voir un noyau cométaire de près pour analyser, bien sûr, pas que cela, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'est le fonctionnement d'une machine cométaire, mais au fond, la vraie question, c'est de quoi c'est fait. Quel est le matériau d'origine à partir duquel tout le système solaire s'est formé, de tous les points de vue, mais en particulier du point de vue de cette matière organique dont on sait qu'elle a probablement joué un rôle majeur et qu'on n'a pas besoin de partir de CH4 et de CO2 et mettre des éclairs, etc., comme on l'a pensé pendant des dizaines d'années. Peut-être que ce matériau-là, je dirais, suffit, à charge pour nous de l'identifier. Eh bien, Philae, on l'a conçu avec cette idée-là, qu'on va se poser, on va prendre des échantillons le plus préservés possible et on va essayer de l'analyser comme on aurait fait si on avait de la glace ici, en séquence par plusieurs instruments qui, séquentiellement, vont aller du moins destructif au plus destructif pour caractériser ça. Et c'est ça qu'on va faire en novembre de cette année. Rosetta, trop loin du soleil, dans le froid, toute seule, tu dormais. Tu es la merveille des merveilles, en douceur on t'a réveillé. Tu dois aller rencontrer Churomov Gerasimenko. Elle n'est pas encore sublimée. Alors Rosetta, au boulot. Alors Jean-Pierre Bibring, on a compris effectivement la mission, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à obtenir. Imaginons que Rosetta fonctionne parfaitement. Rosetta et Philae, il y a plus de 20 instruments avec Rosetta et Philae. Si tous ces instruments fonctionnent parfaitement, est-ce que vous allez avoir la réponse à votre question ? On a le potentiel là pour répondre définitivement à la question ? Très franchement, pour une bonne expérience, c'est une expérience qui va aller au-delà des questions que vous vous posez. Je dirais que le succès, ça serait de démontrer que les questions étaient mal posées et qu'on a trouvé autre chose que cela. Donc je ne vais pas vous dire qu'on va répondre à cette question-là. Probablement la notion même de vivante va évoluer énormément grâce à Rosetta et dans les années qui viennent. C'est une sémantique un peu particulière de ce qu'on appelle le vivant. Mais très certainement, si tout fonctionne bien, on va aller très loin dans la caractérisation du matériau de départ. Vous savez, on vit une véritable révolution actuellement sur l'idée que l'on se fait de la Terre dans le système solaire, de l'évolution des planètes. Pourquoi il y a une telle diversité? On part tout d'un même point d'origine, c'est le même nuage d'origine qui a donné naissance à Vénus, à la Terre, à Mars, etc. Et quand on regarde les objets aujourd'hui, il n'y en a pas deux pareils. Comment se fait-il qu'il y ait eu des dessins d'évolution différents? Qu'est-ce qui forge les destins d'évolution? Et on commence à comprendre qu'effectivement, c'est une succession de processus qui fait que la Terre est la Terre, Mars est Mars, etc. Et cette révolution change beaucoup de choses. C'est notre idée même de ce que nous sommes ici, de l'unicité peut-être de la Terre dans l'univers, de la vie dans l'univers. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre tous ces processus. Et il y en a énormément qui nous manquent, bien sûr, actuellement. Et parmi ceux-là, il y a tous ceux qui sont liés à l'univers, à la complexification de la matière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a pu, dans des environnements privilégiés, comme celui de la Terre, aller jusqu'à la complexification qu'on voit aujourd'hui, dont on sait que pendant plus de 2 milliards d'années, elle est restée dans l'eau. Il a fallu beaucoup de temps pour que la vie sorte de l'eau. Mais dans l'eau, protégée du rayonnement extérieur, donc par l'eau, on a pu avoir cela. Quelles sont les bribes qu'il a fallu mettre dedans? Et Rosetta va nous aider à faire ça. Donc effectivement, je suis convaincu que si Rosetta fonctionne bien, on va avoir un énorme saut de gagné sur la nature de ce qui a pu ensemencer réellement ces océans. Mais bien sûr, ça va montrer qu'une grande partie de ce que l'on pensait être la complexification de la matière est autre. Est autre. On pense trop simplement. On a besoin d'autres Rosetta. On a besoin de Rosetta et d'autres Rosetta encore pour répondre à nos nombreuses questions fondamentales. Qui voudrait prendre la parole pour discuter avec Philippe Godon et Jean-Pierre Bibring? Cher monsieur. Bonsoir, merci pour votre intervention très intéressante. Je me demandais, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus la durée de la mission, notamment de l'atterrisseur? Combien de temps il va rester? Et est-ce que le déglaçage de la comète risque pas de mettre un peu en danger cette sonde? Donc, la durée de la mission, la durée du projet, c'est 20 ans. C'est des décisions prises en 1995. Un développement commencé vraiment en 1997, un lancement normalement prévu début 2003 et repoussé à mars 2004 pour une raison que Ariane ça peut-être tout à l'heure. Ouais. Bon, on a eu un délai d'un an, on a eu un changement de cible, on cherchait à rejoindre la comète Virtanen, on rejoint Churyumov-Gerasimenko. Et après ça, c'est Ariane 5, hein, c'est l'échec du premier vol d'Ariane 5 qui fait qu'on n'a pas pu lancer aussi rapidement qu'on voulait. Enfin, on n'a pas voulu prendre le risque de relancer immédiatement. Voilà. Donc on a préféré attendre que la technologie, enfin, ou que la fusée soit redevenue sûre, avant de lancer justement 1 milliard d'euros au bout. Tant qu'à faire, oui. Voilà. Alors après, ça aurait été une mission comme les précédentes. Il aurait été simple de croiser la comète et d'y aller très rapidement. En quelques mois, on peut croiser Halley, mais on la croise à 200 000 km. Croiser Halley, c'est croiser la comète de Halley, oui. Oui, croiser la comète de Halley. On la croise à 200 000 km/h, et donc on a quelques heures d'observation au maximum. Et là, on veut rejoindre... Quelques minutes d'observation. Oui, quelques minutes. Quelques minutes d'observation. Quelques minutes d'observation, voilà. Donc on cherche à rejoindre la comète et à avoir la même vitesse qu'elle, ça veut dire la même trajectoire qu'elle. Et ça, c'est derrière, hein, elle avance, il faut se mettre derrière elle un petit peu plus rapidement pour la rattraper. C'est une course-poursuite, cette affaire. L'idéal, cette comète ayant une orbite elliptique, ça serait de se lancer directement sur cette orbite elliptique. Il n'y a aucun lanceur assez puissant au monde pour pouvoir atteindre directement cette orbite. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une série de survols qui s'appellent des assistances gravitationnelles de planètes qui permettent de gagner... Voilà, c'est un des schémas. On a un schéma comme ça, vous voyez, avec c'est le schéma noir avec un grand rond rouge et un petit rond bleu, un petit rond vert. Et on voit comme ça les étapes de la... Donc on a fait tout d'abord une première orbite très proche de celle de la Terre, où on est revenu survoler la Terre en 2005. Alors, pour R2 en allemand, parce que c'est l'allemand. Hein. Et oui, R2, c'est la Terre. C'est la Terre. Il y a Mars et... voilà. C'est les deux planètes dont on s'est servi. Donc, on s'est servi 3 fois de la Terre et 1 fois de Mars pour s'élancer suffisamment loin et prendre cette trajectoire proche de celle de la comète. Alors, on les a, les survols. Hein. Un swing by, c'est un survol. En 2007... Février 2007, on survole Mars. Ouais. On revient vers la Terre en novembre 2007. On revient une troisième fois vers la Terre en novembre 2009. Et cette fois, là, on est sur l'orbite définitive, sur laquelle il a fallu quand même donner une petite impulsion supplémentaire grâce à la sonde. Qu'est-ce qui se passe à chaque survol ? On gagne de la vitesse ? Oui, on a gagné aux environs, il me semble, à peu près 4 km par seconde chaque fois qu'on survole. Moi, j'ai lu 10 km secondes. Oui, mais ça, c'est la totale. Voilà, oui, au total, 10 km secondes. Ouais. Voilà. Et en plus, ce qu'on ne voit pas, là, c'est qu'on doit changer de plan. La comète ne tournant pas autour du Soleil, tout à fait dans le même plan que la Terre, donc, et ça c'est compliqué aussi. D'accord. C'est aussi gagner, il faut de l'énergie pour pouvoir faire ce changement tout de plan. Tout ne se fait pas dans le même plan, hein, en 2D comme le laisse croire notre c'est feuille. Le dernier survol de la Terre qui a permis de se sortir du plan d'orbite de la Terre, qui s'appelle l'écliptique. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est les étapes passées. En janvier-février 2011, on a dû faire une poussée supplémentaire pour gagner encore en vitesse grâce aux ergols, c'est-à-dire aux carburants qui sont à l'intérieur de la sonde. Et là, on va arriver en mai-juin, où au contraire, cette fois, on a un peu trop de vitesse et il faut freiner. Voilà. Donc une durée de croisière, ce qu'on appelle la phase de croisière, tout ça, de 10 ans. 10 ans de voyage. 10 ans de voyage. Si on avait été vers la première comète Virtanen, ça aurait duré combien de temps ? C'est à peu près pareil. Ah, quand même, d'accord, on n'a pas gagné grand-chose. Même ordre de grandeur, mais on serait arrivé en 2012. D'accord, donc on parlerait de la mission qui aurait été déjà faite. Voilà, c'est pas le cas. Voilà. Et donc après, une fois posé notre atterrisseur, donc une fois posé en novembre, devrait fonctionner 4 à 6 mois, on espère. Ça, c'est l'atterrisseur, qui va fonctionner 4 à 6 mois après être posé en novembre. Et l'orbiteur... Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois ? Parce qu'on a des panneaux solaires, donc rien alors, de... Il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer notre perte. C'est déjà la poussière qui peut venir se poser sur les panneaux solaires et faire que notre batterie puisse plus se recharger. Les panneaux solaires vont s'obscurcir avec la poussière. C'est possible. Et l'autre fait, c'est d'autant que ça dégaze, hein, c'est actif quand même, même si c'est relativement ténu. Mais ce dégazage en gaz soulève beaucoup de poussière. Et la plupart part dans l'espace, mais une partie retombe. Donc, et en particulier, doit rester sur les parties froides de l'atterrisseur. Alors ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est qu'une fois qu'on est posé sur la comète se rapprochant du Soleil, et l'atterrisseur ayant été fait pour le froid, eh bien, on va avoir trop chaud cette fois, et notre électronique peut mourir de chaud. Dépasser les 60 degrés qui sont la limite de fonctionnement de l'électronique. Et le troisième risque, je ne sais pas s'il existe, c'est que la comète dégazant, etc., un de nos pieds ou nos harpons ne soit plus suffisant et qu'on soit un petit peu désolidarisé. Est-ce que la forme va changer, la forme de la comète ? On estime en moyenne qu'on perd à peu près un mètre de surface fois qu'on fait un tour autour du Soleil. D'accord. Mais c'est une moyenne. Oui. Donc on peut choisir un endroit où on perd rien. Quelle est la période de... 6 ans et demi. D'accord, on fait un tour tous les 6 ans et demi avec Churyumov-Gerasimenko. D'accord. Donc, elle perd une partie de son contenu. Et bien sûr, au bout de 10 000 ans, elle devrait avoir disparu. Mais elle est suffisamment... Ce sera un petit glaçon dans 10 000 ans. Comment ? Un petit glaçon. elle se casse en fait en plusieurs morceaux. Ouais. Et elles finissent par se dissiper. Il reste derrière elle que de la poussière avec des tailles de différentes... des cailloux, du millimètre, du micron, jusqu'au centimètre, jusqu'à, on pense même, des poussières de la taille d'un ballon de basketball, pour les plus grosses. Ah, ce que croient voir nos scientifiques depuis la Terre. Je ne sais pas si tu es d'accord. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ça, c'est le lander. Donc, il va vivre pendant 6 mois. Oui. Et ensuite... Et l'orbiteur, lui, il peut adapter sa trajectoire autour de la comète en prenant moins de risques, en s'éloignant, etc. Donc, en effet, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du Soleil, que la comète va émettre de plus en plus de gaz et de poussière, on va s'éloigner et on va venir frôler... S'éloigner, c'est-à-dire combien de kilomètres ? Oh, c'est entre 100 au début. Ah, quand même, oui. Et 500 km. Ah, on peut rester à 500 km, oui. Hein, le cas non, on peut aller encore même oui, plus bien loin. Oui, bien sûr, on peut, mais... Mais tant que l'atterrisseur est vivant, il faut qu'on puisse communiquer. Ouais, donc, on va rester à moins de 400 km de distance. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, la fin de vie théorique de l'orbiteur est prévue à fin décembre 2015. Et c'est-à-dire au-delà du passage au périhélie, du passage au plus près de la comète. Et si on a survécu à ce passage-là, c'est-à-dire le moment où la comète est la plus active, ben pourquoi pas aller au-delà ? Donc, oui, on n'a pas de moi, j'ai vu décembre 2015, mais ça pourrait être plus long, quoi. Ça pourrait être prolongé. Oui, voilà, ça peut être prolongé. Il y a encore des choses à faire, les prolonger. Instruments fonctionnent bien. L'objectif de Rosetta est vraiment de comprendre la comète, le phénomène de transformation de la comète sur la durée. Donc, au fur et à mesure du temps, donc au moment de son réchauffement et, si possible, après, au moment de son refroidissement. Monsieur et monsieur. Comme tout ça coûte beaucoup d'argent, je pense, à l'État. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'investisseurs privés là-dedans. Mais qu'est-ce que l'État y voit comme intérêt, disons comme application, enfin comme bénéfice à venir? Alors, c'est des bénéfices plutôt sur la technologie qu'on emploie à bord. C'est pas des bénéfices, on ne cherche pas du pétrole à la surface de la comète, c'est vraiment de la recherche à l'état pur au niveau scientifique, mais au niveau technologique, ça a des retombées. Par exemple, nos antennes, ce sont de nouvelles technologies qui peuvent être appliquées après à d'autres satellites qui fonctionnent, qui ont, pour la télévision ou pour le téléphone. On a nos batteries qui sont basées sur le lithium-ion, qui sont les batteries que vous avez dans les blue cars qui voyagent là dans Paris. Voilà, les voitures électriques dans Paris. Les Autolib. Voilà, les Autolib. On a aussi des antennes à carbure de silicium, donc de nouveaux matériaux qui sont testés. Les contraintes aussi du spatial, donc en thermique et en vide, nous permettent de faire des composés, enfin de l'électronique très résistante. Donc tout ça resserre ultérieurement dans de la technologie pour tous les jours, si on peut dire. Voilà la vraie retombée. On dit au CNES que pour un euro investi, on a une retombée de 20 euros au niveau de l'industrie. Une retombée de 20 euros au niveau de l'industrie. Champion Bibling, c'est pas une retombée immédiate. Hein, oui, j'imagine bien. Ouais. Quand on vous pose une question comme ça sur le thème de l'utilitaire, qu'est-ce que le scientifique a envie de répondre ? On peut répondre comme a fait Philippe, et c'est très utile de se dire qu'effectivement, tout investissement peut avoir une rentabilité. Mais je pense que la recherche scientifique, qu'elle soit spatiale ou pas, répond à tout à fait autre chose quelque part. Et tout n'est pas marchand quelque part. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'est... Bien, on parle de chiffres absolus, on dit 1 milliard. Effectivement, 1 milliard, c'est beaucoup de sous. Une sonde comme ça ne coûte pas beaucoup plus cher que n'importe lequel des satellites de télécommunication que vous utilisez tous les matins. Et des satellites de télécommunication, il y en a beaucoup plus que des sondes. Encore une fois, Rosetta, il y en a une tous les beaucoup d'années. Et il y a 20 pays qui contribuent. Donc, la somme n'est pas si importante que ça. Mais il faut comparer ces sommes, aussi faibles soient-elles, mais elles ne sont pas si faibles que ça, au retour, au niveau de l'idée que l'on se fait grâce à toute cette recherche, en particulier de ce que nous sommes. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure, comme toujours quand on est dans ce que je pensais être une véritable révolution, on n'a pas le recul pour en prendre la mesure. Le chamboulement actuellement qui se passe au niveau de nos représentations, de notre place dans l'univers, de la place dans l'histoire et la géographie de la Terre, tout ce qu'on dit sur la mondialisation, sur ce que c'est que cette planète unique, est-ce qu'il faut ou pas s'en... C'est-à-dire des choses qui sont totalement fondamentales, sur lesquelles des grandes questions se posent, sur le bilan énergétique de notre planète, etc. La vision que l'exploration du système solaire, pas qu'elle bien sûr, les gens qui font de la cosmologie y contribuent aussi, mais les gens qui ont contribué à voir ce que c'est que notre planète de spécifique par rapport aux autres. C'est depuis très peu de temps qu'on fait ça. Il n'y a que quelques dizaines d'années seulement, depuis qu'on a eu les moyens, qu'on s'est donné les moyens d'aller explorer tout ça. Le retour sur investissement va bien au-delà, je crois, du simple retour technologique sur investissement. Même si, bien sûr, il compte aussi, je ne vais absolument pas le négliger. Mais le retour sur l'idée que l'on se fait de notre monde va bien au-delà de tout ça. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure de cela. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai pour le spatial scientifique comme pour bien d'autres disciplines. La recherche scientifique n'a pas besoin toujours de se chercher comme raison d'être qu'un retour sur investissement, parce que le retour culturel, comme on le dit, mais qui est en fait social, est bien plus important. Il n'y a pas actuellement un pan de l'activité humaine actuellement qui n'est pas directement lié à la nouvelle vision que l'on se fait de la Terre dans l'univers. On ne prend pas cette mesure-là. Et je pense que, et c'est quelque part le bonheur que l'on a de travailler dans ce domaine-là, parce que toutes ces questions, y compris les questions de changement climatique, je pourrais vous expliquer pourquoi, en travaillant aussi bien sur les comètes que sur Mars, on a directement moyen de comprendre des choses qui seront fondamentales. Par exemple, comment se forment des nuages, pourquoi se forment sur le climat. On pourrait en parler, ce n'est pas le but de ce soir, mais on pourrait faire quelque chose que là-dessus. Et vous apercevriez que, par exemple, le fait de travailler sur la manière dont sur Mars les nuages se forment et disparaissent, nous permet de comprendre la nucléation des nuages que l'on ne comprend toujours pas sur Terre. La nucléation, c'est comment ils se forment. La manière se forme un nuage, qui est là peut-être la seule possibilité que l'on peut avoir d'imaginer qu'un jour, l'augmentation de la température sur cette planète, mais non plus à l'échelle de millénaires ou de siècles, mais de décennies, c'est-à-dire pour nous réellement, a une chance de s'influer, de s'infléchir. Eh bien, je veux dire, toutes ces retombées-là sont autrement plus valorisantes, à mon avis, que simplement une rentabilité mal calculé que l'on voudrait mettre, vous mettez de l'argent, combien, etc. Donc je pense qu'on a raison de développer une recherche scientifique qui est une recherche publique en France. On est un des rares pays à ça. On a une spécificité avec nos laboratoires spatiaux qui est tout à fait unique, qu'on nous envie en fait, mais qu'on essaye aussi de démonter. La France est le seul pays où on a ce tripartite avec une agence spatiale qui n'est là que pour distribuer de l'argent sur des programmes, mais qui n'a pas de laboratoire qu'elle paye. Les laboratoires sont des laboratoires de recherche du CNRS et de l'université. Donc on a une agence, on a des laboratoires et on a une industrie aérospatiale. Et ce partenariat à trois, qui marche plus ou moins bien, mais qu'on a conçu depuis maintenant plus de 50 ans dans ce pays, est tout à fait exemplaire. Et il faut tout faire pour le préserver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient le supprimer. On est en permanence en train de se battre pour le maintenir, parce qu'en particulier, il y a beaucoup de gens qui voudraient être sûrs que quand on met un centime quelque part, on sait où on va le mettre et qu'on va avoir une rentabilité avec cela. Et les scientifiques ne sont pas les meilleurs, bien sûr, pour calculer ce genre de choses. Eh bien, il faut prélever ça, maintenir cela et se convaincre qu'effectivement, l'effort de recherche va bien au-delà simplement qu'un retour sur investissement financier. Je vais juste donner un autre chiffre pour relativiser ce chiffre qui paraît énorme. C'est qu'on l'a calculé. Le chiffre d'un milliard ? D'un milliard d'euros, oui. Voilà. Sur 20 ans, et pour chacun des Européens, c'est 12 centimes par an. Donc voilà. Celui qui va dépenser ça en cigarettes, voilà. C'est très très peu quand même. Hein. Voilà. Oui. Ou quelques kilomètres d'autoroute aussi. Je vais demander, vous avez dit qu'elle allait s'évaporer à peu près en 10 000 ans, alors qu'elle est vieille de 4 milliards d'années. J'allais dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'elle était avant ? Enfin, bon. En fait, c'est une bonne question, effectivement. On ne réalise pas non plus à quel point, lorsque l'on voit une comète, quand on voit une comète, par définition, que c'est un objet qui se rapproche du Soleil et qui, à ce moment-là, une grande partie de ses glaces se sublime. Je l'ai dit, pour une petite comète, c'est plusieurs mètres par an. Pour la comète de Halley, c'était des dizaines de mètres par an. Donc quand on calcule, on se dit, ça va faire quelques centaines de tours et puis c'est tout. Et comme ça fait des centaines de tours en quelques années, ça vit quelques siècles. Et effectivement, une comète, pendant 4,5 milliards d'années, à quelques siècles près, était très loin du Soleil et n'a absolument pas bougé. Et c'est ça qui est génial. C'est que quand vous voyez une comète, pour cet objet-là, c'est le champ du cygne. À partir du moment où une comète a décidé, si je puis dire, de venir dans le système interne, parce qu'il y a une perturbation gravitationnelle, parce qu'il y a Jupiter qui est passé un peu trop près, ou parce que, par exemple, pour la comète de Halley vient d'un nuage extrêmement lointain, à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de fois la distance Terre-Soleil, ce qu'on appelle le nuage de Oort, du nom de l'astronome qui y avait pensé. Oort écrit O-O-R-T. O-O-R-T, absolument, c'est un finlandais. Et c'est le passage d'étoiles proches qui, parce qu'il y a une étoile qui passe, ça va modifier un petit peu, ça va attirer un petit peu. Certaines des comètes quittent le système solaire et certaines, au contraire, plongent dans le système interne. Et si certaines, plongeant dans le système interne, ont le mauvais goût de s'entourer comme ça et de devenir une comète périodique qui passe près du Soleil, aux distances dont on parle ici, en se sublimant, eh bien, elle va faire quelques dizaines, quelques centaines de tours au maximum et c'est fini pour elle. Et donc, c'est ça qui est merveilleux avec une comète. C'est un objet qui formait très loin du Soleil, pour l'essentiel, dans des régions très froides. On accrétait tout ce qui était disponible à ce moment-là. C'est-à-dire, accréter, c'est-à-dire récupérer. Récupérer, le bloquer dans sa structure, dans ce ciment qui est sa matrice. La maintenue très loin du soleil dans un réfrigérateur à très basse température pendant toute sa vie, pendant plus de 4 milliards d'années, et très récemment, par des perturbations encore une fois qui sont essentiellement de la gravité, nous le met à notre portée en la ramenant dans le système solaire interne, de telle sorte qu'on peut éventuellement l'étudier. Ça évite d'aller très loin pour l'étudier. Mais bien sûr, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est les étudier avant que le soleil ne le remodifie. Et c'est ça qu'on fait avec Rosetta, c'est qu'on voudrait aller voir la comète pas quand elle est trop près du Soleil. La comète que l'on va voir là, effectivement, en novembre, elle sera trois fois la distance Terre-Soleil, donc il y aura très peu d'atmosphère autour, très peu de coma. Mais six mois plus tard... Coma, c'est la chevelure. La chevelure, du latin, et c'est pour ça qu'on appelle ça une comète. Oui. C'est un objet qui fabrique le coma. C'est les gaz dont elle s'entoure. C'est essentiellement la vapeur d'eau. La glace qui devient de la vapeur d'eau avec un peu d'eau de bricole dedans et qui rediffuse la lumière du Soleil. Et c'est pour ça que ça donne cette fameuse forme spectaculaire. Quand c'est à trois fois la distance Terre-Soleil, il n'y a pas encore cela. Donc on ne les voit pas, vous n'avez jamais vu, nous n'avons jamais vu de comètes comme on voudrait les étudier quand elles sont non entourées de leur coma. C'est là qu'on voudrait l'étudier, mais par définition elles sont très loin, petites et loin, on ne les voit pas. On ne les voit que quand elles s'approchent, à ce moment-là on ne la voit pas parce qu'elle est entourée de sa propre chevelure. Avec Rosetta, on va aller loin, se poser sur elle, à un endroit où il fera très froid, on ne la verra pas d'ici. Mais on pourra étudier le matériau avant que le soleil ne l'ait retransformé et on va la suivre dans son mouvement jusqu'au soleil pour étudier cette activité. Alors, juste peut-être un mot pour... Philippe était très optimiste quand il a dit que notre lander va travailler six mois. Moi, je ne dis jamais qu'il va travailler six mois, mais... Qu'est-ce que vous dites ? Je dis qu'on espère qu'il va travailler deux jours. Ah bon, d'accord. Parce qu'on a de quoi le faire travailler deux jours sur des batteries primaires. C'est des piles, qui ont été chargées avant sur de partir, Terre, hein. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, absolument. Et on ne sait toujours pas s'il y a quelque chose dedans. On ne peut pas savoir. Tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne savez pas s'il y a quelque chose dedans. Et du jour où vous l'essayez, elle commence à disparaître. Donc, on n'a pas essayé. Donc, on saura le 11 novembre. J'ai compris qu'il y avait des... On l'a essayé la semaine dernière. On mesure une tension, mais on ne mesure pas sa capacité. C'est-à-dire, vous mesurez la tension à bord. La tension est normale, voilà. C'est-à-dire... Le voltage, voilà. Elle est à 28 volts, ça, c'est bien. C'est une batterie de 28 volts, mais on ne sait pas combien de temps elle peut vivre. J'ai lu quand même qu'il y avait des batteries qui... avaient été fabriquées en même temps, le même modèle, etc., et qui avaient été mises dans un congélo à moins 40 degrés. Absolument. On les ressort de temps en temps pour voir comment elles se portent. On la teste régulièrement et on vérifie comment elle évolue. Eh bien, depuis 10 ans, elle a perdu à peu près 10%. Moins de 10%, c'est très bien. Pas mal. Voilà, et donc tout ça, ça nous permet de travailler pendant typiquement deux jours. Ça dépend de ce qu'on va faire, mais grosso modo. Et on se donne comme objectif, et c'est vraiment un objectif important pour nous, qu'en deux jours, s'il n'y avait que ça... ça sera un succès pour nous. C'est-à-dire qu'on veut que tous les instruments puissent travailler au moins une fois, au maximum de leur capacité. On veut analyser les échantillons, on veut que la foreuse aille chercher, etc. On veut faire le panorama. 30 cm de profondeur. On veut aller faire des panoramas, on veut mesurer le champ magnétique, on veut faire tout ça en deux jours. Le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire que le bonus, c'est que les fameuses batteries rechargeables avec les panneaux dont je parlais, si on est orienté du bon côté, si elles ne sont pas recouvertes comme un igloo de glace, si, etc., alors on peut travailler sur la durée. Mais on ne peut pas parier là-dessus. Et personnellement, je ne parie pas là-dessus. Voilà. Monsieur Bibring n'est pas joueur. Ah si, au contraire, je suis extrêmement joueur, ça, si vous le saviez. Il ajoute, au contraire, je suis très joueur. Ouais. Oui. Sinon, je ne ferais pas du spatial, pas vrai Alain? La seule comète dont on ait aperçu le noyau, c'est celle de Halley, et il était tout noir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait la surprise de trouver un noyau tout blanc à la prochaine, ou est-ce que... ou est-ce qu'on pense que toutes les comètes ont le même genre de structure ? Alors, et tout rose, alors ? À vrai dire, tous les bouts de votre question appellent une réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des découvertes ? Oui, on peut avoir une découverte. On a toutes les raisons de penser que celle-ci sera comme les autres, mais peut-être pas. Vous savez, on en est avec les comètes comme on en était un petit peu avec le système solaire il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on classe les objets par grande famille. Et c'est progressivement qu'on fait la différence entre les objets. Si vous regardez ce qu'on savait du système solaire jusqu'au début du spatial, dans les années 50, ce qui n'est pas de la préhistoire, certains d'entre nous étions déjà là, vous regardez ce que l'on savait du système solaire, la plupart des objets, ils étaient tous pareils parce qu'on n'avait pas d'idée de ce qu'ils étaient. Pour les comètes, on en est à ce stade-là. Donc pour l'instant, l'idée qu'on se fait de la manière dont les comètes sont formées, leur évolution, etc., ne permet pas de penser qu'il y a une différence d'un noyau cométaire à l'autre. C'est pour ça que quand il a fallu changer de noyau cométaire, il a fallu en trouver un autre que celui qu'on avait pensé. Il y a un problème de taille, etc. Mais au niveau des objectifs primaires, ça ne change rien parce qu'on n'a pas de raison de préférer l'un à l'autre. Donc au niveau de la composition en particulier, on pense que ce que l'on a vu une fois est représentatif du reste. Donc voilà, ça c'est la première chose. Cela dit, on a quelques informations malgré tout sur ce que l'on pense être le, ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le coefficient réflecteur de ces choses-là. On a observé pas mal d'objets. Le coefficient réflecteur vous donne des indications sur couleur, c'est ça ? Sur justement quelle est la fraction de la lumière qui est absorbée, est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est brillant ? Mais ce n'est pas non ambigu parce qu'effectivement, si vous avez quelque chose de très sombre, vous mesurez la quantité de lumière qui vous revient, mais comme vous ne savez pas sa surface, vous pouvez vous tromper. Parce que, bien sûr, si vous avez un gros objet qui envoie très peu de lumière, c'est parce qu'il est très sombre. S'il est très petit et qu'il envoie très peu de lumière, il peut être très brillant, c'est parce qu'il est petit. Et donc, il y a toujours un couplage entre la dimension et la quantité de lumière qui nous revient. Quand on fait ça, pour l'essentiel des objets, on s'aperçoit qu'ils sont tous à peu près les mêmes et sont tous à peu près sombres. Mais c'est vrai que dans maintenant très peu de temps, dans 3 mois, on aura la réponse à cette question. Mais ce n'est pas parce qu'on va s'apercevoir qu'il est sombre globalement que ça veut dire qu'à petite échelle, il va être très sombre. Et ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on ne sait pas à quelle échelle. Il peut très bien y avoir des grands paquets de choses très noires, complètement absorbantes, et puis de la glace très blanche à côté. À quel point est-ce que c'est mélangé ou pas ? On ne sait pas à quelle échelle le mélange a lieu. Est-ce que c'est homogène à l'échelle des grains ou est-ce que c'est homogène à l'échelle des provinces régionales ? Et d'ailleurs, on se pose toujours la question, supposons qu'en juillet-août, avec les observations qu'on va faire en orbite, on va s'apercevoir que c'est très blanc et qu'il y a quelques taches sombres. Qu'est-ce qu'on choisit ? On va dans le blanc ou on va dans le noir ? Et chaque fois qu'on fait un vote parmi nous, il y a à peu près moitié-moitié. Je peux vous dire ma position, moi je vais aller sur le sombre, c'est pour ça qu'on l'a faite. Pourquoi ? Parce que le sombre, c'est les molécules organiques, c'est ce qui absorbe et c'est ça qu'on veut savoir. Aller sur du blanc qui est de la glace, on sait qu'il y a de la glace. Qu'est-ce qu'on va apprendre en se posant sur de la glace ? Qu'il y a de la glace. Bon. Mais pourquoi se poser pour ça ? Alors pourquoi les scientifiques... Parce qu'il y en a pour qui ce qu'on appelle une comète, c'est un truc qui bouge beaucoup. Et bon, c'est sûr que la glace, elle va plus se vaporiser qu'un truc qui ne se vaporise pas. Bref, mais je pense qu'il y a peu de risques qu'on ait ce problème-là pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que ça va être très homogène. Et la deuxième chose, c'est que de toute manière, on ne pourra pas choisir où on va se poser. Parce que l'incertitude, on n'a pas un système de descente très actif. On ne va pas faire comme les Américains avec Curiosity où quasiment ils peuvent choisir, ou bien Armstrong quand il s'est posé sur la Lune, pour pouvoir choisir l'endroit où il va être. On va être largué d'un endroit à plusieurs kilomètres d'altitude et puis on a une trajectoire avec les incertitudes qui va nous poser dans une région avec un diamètre d'incertitude très grand qui va se mesurer en centaines de mètres. Oui, c'est en centaines de mètres. Et sa centaine de mètres, ça veut dire... À l'échelle de la comète, c'est énorme, mais bien sûr. Voilà. Philippe Godon, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire qu'il y a eu quelques survols par des sondes de la NASA d'autres noyaux de comètes, Borelli, Vilt 2, Hartley 2. Et l'albédo a toujours été aux alentours de 3 à 4%. Donc on est toujours dans des corps assez similaires. Par contre, les formes sont totalement différentes. Il y a des formes d'altères, il y a des formes d'altères. Hartley 2, c'est très étonnant. C'est très surprenant. Une espèce d'altère, là. Monsieur. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des raisons scientifiques qui ont fait que c'est cette comète-là qui a été choisie et pas une autre ? Oui, je pense qu'on a déjà plus ou moins dit les choses. D'abord, ce n'est pas celle-là qu'on avait choisie. On avait choisi une autre qui s'appelle Virtanen, qui était toute petite, 700 mètres au total. Là, c'est 5 km, non, oui, 4, celle-là, c'est 4 km, de diamètre. 4 km de diamètre. Mais à nouveau, ce qui a prévalu dans notre choix, c'est qu'elle était au bon endroit et au bon moment. Sur une trajectoire qui permet effectivement de ralentir suffisamment. On a un système qui est dominé par les capacités de propulsion que l'on a, la fusée Ariane qu'on a prise, la trajectoire qu'on a pu avoir, tous les rebonds gravitationnels dont on vous a parlé. C'est très difficile de ralentir pour en se mettre en orbite autour d'un objet. C'est pour ça que personne ne l'a jamais fait. Les Américains qui ont voulu faire quelque chose pour aller plus vite que nous, quand on a décidé Rosetta, ils ont dit on veut être les premiers. Donc ils ont fabriqué une sonde pour y aller. Attendez, c'est les mêmes qui juste avant nous avaient dit finalement on vous laisse tomber. Voilà, mais ils voulaient nous coiffer au poteau, c'est ça ? Mais oui, sauf qu'ils n'ont pas pu ralentir. Ils ont fait quelque chose qui s'appelle Deep Impact où ils sont rentrés dans un noyau cométaire. Donc ça c'était prévu quand même. Bien sûr. D'accord. Mais parce que, je veux dire, si on fait vite, si on n'a pas le choix dans l'objectif et dans le système, eh bien c'est très compliqué. À nouveau, pour le survol de la comète de Halley, c'était 67 km par seconde la vitesse de rencontre. C'est extrêmement difficile de ralentir suffisamment. Donc il faut que la comète ait déjà une trajectoire qui nous facilite les choses. Donc c'est le critère majeur qui a fait qu'on a choisi cette comète. La bonne trajectoire. D'accord. Monsieur. Comme vous avez parlé de matière organique, je crois, mais comment... Par rapport à l'idée que je me fais du vivant habituellement, comment il peut y avoir de la matière organique à moins 170 ? Alors, Deux mots sur cette fameuse matière organique. On utilise souvent ce mot parce que c'est un mot générique en français dans tous les bouquins de classe, de chimie. On appelle la chimie organique par opposition à la chimie minérale. La chimie dans lequel, des molécules dans lesquelles il y a du carbone essentiellement. La matière organique, c'est la matière dans laquelle il y a du carbone essentiellement. Matière carbonée, voilà. Matière organique, c'est pour l'essentiel similaire. Après, il y a des ramifications, mais c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Essentiellement parce que la matière vivante est faite de cela. Il y a de bonnes raisons pour cela. Mais à nouveau, toute matière organique n'est pas forcément vivante. Mais c'est un débat peut-être sur lequel il faudra débattre plus longuement une autre fois. Le mot de vivant lui-même, c'est un mot un peu médiéval quelque part, qui va être dépassé un jour. Et oui, qu'est-ce qu'on appelle le vivant? Bon, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant. On va prendre deux minutes, laisse quand même. Non, mais s'il vous plaît, il y a des notions. Au niveau des perspectives, là, quand même. Je vais vous prendre. Avant de revenir sur la vie, je vais prendre un autre exemple pour vous. Il y a souvent des notions qu'on utilise qui sont très opérantes jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'elle n'est plus opérante du tout parce qu'elle bloque au contraire. Une des notions importantes que tout le monde a manipulé ici, c'est la notion de force. Tout le monde parle de la force de gravité. Si je prends ce stylo et je le lâche, il y a une force qui l'attire vers la Terre. Mais quand on réfléchit, et c'était très efficace, quand Newton a réalisé qu'effectivement il y a un formalisme qui permet de dire qu'une pomme qui tombe et la Lune qui tourne, c'est la même chose, c'est une force à distance, et que la Terre attire, c'est très efficace. Et on a construit toute la physique, toute la compréhension de l'univers comme ça. Et quand on réfléchit, c'est de la magie noire ce truc. Pourquoi mon stylo sait que la Terre existe? Qu'est-ce qui fait qu'un électron sait qu'il y a un proton autour duquel il va tourner, etc. Qu'est-ce que c'est que ces trucs à distance où il faut bien qu'il y ait de l'information qui passe? Et donc on réalise tout d'un coup qu'on a véhiculé pendant des quantités de temps des notions comme ça qui ont été très efficaces, mais à un moment donné, quand on veut les dépasser parce qu'on voudrait savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce qui fait que mon stylo sait que la Terre existe? On est un peu coincé quelque part. Et donc il faut dépasser ça. Et la physique l'a dépassé pour la notion de force. On ne parle plus de force en fait en physique. Donc vous voulez dépasser la notion de vivant. Et donc c'est la même chose avec le vivant. Mais je pourrais en parler d'autres. La température par exemple, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on comprenne ce que veut dire quand vous mettez un radiateur dans une pièce, qu'est-ce qu'il fait? C'est Boltzmann qui a montré que vous accélérez, que la température c'est que de l'énergie cinétique, etc. Le vivant, c'est un peu pareil. On utilise quelque chose qui était très efficace à un moment donné parce qu'il y avait des caillasses, c'est inerte, et puis il y a des choses qui ont l'air de bouger tout seul. Donc, il y a de l'inerte et du vivant. Et puis un jour, il y a la vache folle, il y a le prion. C'est quoi le prion? C'est une molécule. C'est du vivant, c'est pas du vivant. Où vous vous arrêtez là-dedans? Les virus, j'en parle pas, etc. Le prion, et donc, c'est l'agent de la vache folle, de la maladie de la vache folle. Je ne vous le fais pas dire. Hein. Exactement. Et ouais, c'est pas vivant. Hein. C'est, c'est une protéine. Pourquoi c'est pas vivant? Ah, bon, je sais pas, moi j'ai cru comprendre ça en tout cas. C'est une bonne question. D'accord, très bien. Et donc, voilà. Et donc, en particulier, nous, on travaille aussi sur Mars, et quand on va chercher du vivant quelque part, bien sûr, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez chercher. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce qu'au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que sur Rosetta, on ne va pas chercher des dauphins et des bactéries, on va chercher... Non, alors que sur Mars, on pourrait se dire, on va éventuellement chercher ça. Personne ne pense que sur une comète qui a échantillonné, comme on dit encore, le nuage primordial, il y avait déjà des dauphins dans le nuage qui s'est effondré. Mais il y avait peut-être, effectivement, des molécules qui ont aidé ensuite à des formes plus compliquées qu'on appelle le vivant de naître. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer la complexité. Tous, on a fait un petit peu d'école ici, et dès le CM1 ou le CM2, on essaye d'expliquer ce que c'est que le vivant. Et beaucoup de gens disent que, par exemple, une des propriétés du vivant, c'est la réplication, la duplication. Le propre du vivant, c'est se dupliquer égal à lui-même, parce qu'on a l'idée de l'ADN avec les deux brins, quand ça se casse, ça en refait deux, etc. Et puis c'est la bactérie qui se divise en deux, etc. Mais il y a toutes les raisons de penser que c'est faux, que ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas une propriété du vivant. Cette propriété-là, c'est une propriété des molécules sur lesquelles le vivant s'est greffé pour fabriquer ensuite ses chaînes. Mais que précisément le vivant, pour se fabriquer, il a eu besoin de molécules qui, d'un point de vue parfaitement abiotique, a cette capacité-là aussi. Abiotique sans la vie. Abiotique. Oui, absolument. Qui a la possibilité, justement, aussi, par des réactions chimiques tout à fait banales, de se couper en deux. Et que ce sont ça les molécules qui ensuite ont permis au vivant de se greffer. Bref, on ne sait pas où se met la limite réellement entre une chimie organique qui a tous les bons composés dedans, avec à nouveau du carbone, l'oxygène, etc. Mais certainement des groupements particuliers dont on n'a pas idée, mais qui ont permis après à des édifices plus compliqués d'arriver. Et où est-ce qu'on va faire la limite entre ce qu'on appellera l'inerte et le vivant? On verra quand on en sera là. Alors, pour revenir à Rosetta, on se demande, voilà, ces macromolécules, pourquoi de macromolécules? Parce qu'on a... Effectivement, on a, dans cette mission de la comète de Halley, on s'est aperçu que, même très loin du noyau, il y a des grains, des vrais grains, qui font des fractions de millimètres, qui ne comportent que 4 atomes, C, H, O et N. Bon, en fait, il y a aussi un petit peu carbone, de soufre. Carbone, hydrogène, oxygène. Mais pas de silicium, pas de magnésium, rien des cailloux de votre... et de l'azote. Il n'y a pas ni silicium, ni aluminium, magnésium, fer, etc., ce qu'il y a dans une caillasse quelconque. Et ce sont des grains solides, très costauds, très loin du noyau. On appelle des grains organiques. C'est peut-être une seule molécule, mais qui a des milliards de milliards d'atomes dedans. Et ces grains-là, ils étaient dans le noyau cométaire depuis le début, parce qu'ils sont arrivés à la surface, ils sont partis parce que la comète s'est sublimée. Quelles sont ces molécules? De quoi elles sont faites? Pour moi, le meilleur exemple que j'utilise toujours, c'est de se dire, pour voir un peu ce que devraient être ces molécules-là, à quoi ça devrait ressembler. Pour toute personne qui a fait un peu de cuisine, vous avez des brûleurs de votre cuisinière, vous mettez du beurre ou n'importe quelle matière grasse transparente dessus, parce que ça chauffe, il y a ce que les chimistes appellent du cracking, c'est-à-dire que vous polymérisez vos molécules. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie, vous virez des atomes d'hydrogène et grâce à ça, vous avez des liaisons carbone qui se mettent et vous fabriquez des macromolécules. Et votre brûleur devient très sombre. Ouais. Au bout d'un moment, c'est noir de chez noir. Couleur comète ? Couleur comète, absolument, parce que tout le monde sait que ce truc-là, vous ne pouvez pas le dissoudre. Vous pouvez mettre on a le droit de dire du PEC ou du MIR. Du silite bang. Voilà, ça ne marche pas. Il faut frotter pour que ça disparaisse. Pourquoi il faut frotter ? Parce que c'est très réfractaire, très solide. C'est ça la matière carbonée d'une comète. Les comètes sont faites de ça. Et ces molécules-là, elles sont là depuis que le système solaire est système solaire. Elles se sont faites dans ce nuage qui s'est effondré. Et c'est probablement ces molécules-là, dont on n'a pas idée de leur composition réelle, qui sont peut-être nécessaires à l'apparition du vivant. Donc ce qu'on essaye de savoir, c'est ce que sont ces molécules. Et ensuite, quel est le processus par lequel elles sont formées? Et est-ce que ce processus est particulier à notre nuage? Parce qu'après tout, peut-être que, de même que tous les autres processus qui ont conduit à des évolutions différentes que la Terre et Mars, etc., peut-être que notre nuage lui-même a suivi une évolution qui a permis à certaines molécules d'apparaître, qui a ensuite permis à ces molécules implantées dans des océans, etc., de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Mais peut-être que d'autres nuages qui sont ailleurs n'ont jamais eu ces capacités-là. Et que ça va très nettement modifier notre idée même de l'évolution vers le vivant. Il y a quand même un domaine qui existe depuis plusieurs années, c'est l'astrobiologie, parce qu'ils ont repéré justement des acides aminés dans des nuages galactiques. Donc forcément, vous devez tenir compte de ça. De l'astrobiologie, voilà. Il faut tenir compte de l'astrobiologie. Ben oui. Non mais vous avez raison, et non seulement il faut en parler, mais nous en parlons, parce que l'astrobiologie est le mot anglais de ce qu'on appelle l'exobiologie, qui est une véritable discipline qui se développe au CNES comme partout ailleurs, et qui essaie de savoir si la vie peut exister ailleurs. Quand vous dites qu'il y a des acides aminés, sous-entendu, s'il y a des acides aminés, c'est qu'il y a bien de la vie ailleurs. Rappelez-nous ce que c'est que les acides aminés, voilà. Quand même. Les acides aminés, ce sont des molécules très particulières, ce sont des acides organiques, justement, qui sont les constituants de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Mais ce n'est pas parce que ce sont des constituants de la vie sur Terre que les acides aminés donnent nécessairement naissance à du vivant. On connaît des acides aminés présents dans de la matière extraterrestre bien avant que l'astrobiologie ait été créée, depuis qu'on a analysé des météorites. Dans certaines des météorites, qui viennent donc du système solaire interne, quelque part, entre Jupiter et Mars, il y a de la matière organique et il y a énormément d'acides aminés dedans. Le problème de ces acides aminés, c'est que justement, il y en a trop, en fait. Et il y en a tellement trop qu'on sait que le vivant, lui, va sélectionner un certain nombre d'acides aminés. Donc, ce n'est pas parce que vous trouvez des acides aminés que forcément, là où vous en trouvez, et il y en a très vraisemblablement dans les nuages interstellaires aussi, qu'il y a pu y avoir un processus de sélection qui, à partir de ces acides aminés, ont fabriqué du vivant. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est précisément le processus par lequel, dans un environnement très particulier qui est celui de la Terre primordiale, il y a plus de 4 milliards d'années, certains, mais uniquement certains acides aminés ont été utilisés pour aller vers des structures complexes dont nous sommes quelque part les héritiers. Mais à nouveau, acide aminé ne veut pas dire biologie. Et c'est toute la difficulté. Il y a quelque chose d'un petit peu de biaisé dans le mot d'astrobiologie, comme d'exobiologie. Et personnellement, je me bats même dans mon propre laboratoire avec ça. Rechercher du vivant ailleurs, c'est une très bonne idée de le rechercher. Mais il faut pas. Il y a une idée derrière qui me prendrait plus de 2 minutes de l'expliquer, mais je le dirai en 1 minute parce qu'elle me plaît beaucoup. C'est l'idée suivante. En 1543, Copernic a vraiment introduit une révolution folle. En disant que ce n'est pas la Terre qui est au centre, c'est le Soleil. Il faut imaginer à quel point c'était hérétique. La preuve, c'est d'ailleurs dangereux. Il a publié ça l'année de sa mort. Mais plus hérétique encore, 5 ans après la publication de ce texte, il y a un monsieur qui s'appelle Giordano Bruno, et je suis très content de parler de lui, parce que vous allez voir, c'est directement lié à votre affaire, à notre affaire. Ce Giordano Bruno était prêtre lui aussi, là où il y avait le savoir, à Padoue. Ils étaient tous de Padoue, la plus vieille université, après la Sorbonne. Et ce monsieur, il dit un truc incroyable. Il dit non seulement Copernic a raison, mais tous les petits points que je vois la nuit sont des soleils. Il a eu cette intuition, c'est vraiment une intuition, il n'y avait rien qui permettait de dire que le soleil est une étoile. Il a fallu attendre, il y a peu de temps qu'on sait que le soleil est une étoile. Il s'est dit, le soleil et les étoiles, c'est la même chose. À l'époque, l'univers était pensé comme statique et infini dans l'espace et dans le temps. Donc, il y avait une infinité d'étoiles, donc une infinité de soleil. Et donc, c'est là qu'est arrivée l'hérésie au deuxième degré. C'est qu'il a dit, de même qu'il y a des planètes et la Terre n'est qu'une planète autour du soleil, autour de tous ces petits points-là, il y a des planètes et donc il y a des terres. Et donc, il y a une infinité de terres. Et il a repris une idée qui est en fait une idée qui existait déjà chez Démocrite, reprise par Épicure. Et si vous avez le courage d'acheter un petit livre qui coûte 2 euros, vous savez, cette collection à 2 euros qui s'appelle, je ne sais plus comment, que sais-je, non ? Non. Dans Librio, exactement. Librio. Achetez le bouquin d'Épicure, vous avez 60 pages, dont la lettre à Hérodote, où il démontre la pluralité des mondes. Eh bien, Giordano Bruno, 2 millénaires après, ressort cette idée de pluralité des mondes, basée, comme je vous l'ai dit, c'était tellement hérétique de dire non seulement que la Terre n'est pas au centre, mais qu'il y en a de partout. Je termine juste si je peux. Et quel lien avec nos exobiologistes d'aujourd'hui ? On y arrive vite. C'était tellement hérétique qu'il a été dénoncé en 1593 et brûlé vif en 1600 sur une place à Rome qui s'appelle le Campo dei Fiori, la place des fleurs. Il y a sa statue au centre, personne ne sait que c'était son bûcher. 1600, 33 ans avant le procès de Galilée. Pourquoi ? Pour avoir dit qu'effectivement, il y a des terres partout. Parce qu'il y avait 2000 ans de dogme que ça avait été créé unique, etc. Eh bien, quand vous regardez, toute la physique s'est construite après, essentiellement pour asseoir cette idée que partout il y a les mêmes lois, qu'il n'y a rien de particulier ici. On pourrait tracer tout ça, que les lois sont universelles. D'ailleurs, le cosmos est devenu l'univers, l'endroit où il y a partout les mêmes choses. Et toute la physique s'est construite sur cette idée-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette idée qu'effectivement, la Terre n'a rien de particulier, que l'univers est partout pareil. Et donc, la pluralité des mondes est le dogme dominant. D'ailleurs, j'en veux énormément à Wikipédia. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir que la pluralité des mondes vous met du Fontenelle et jamais du Giordano Bruno, qui lui a payé de sa vie, 2 siècles avant. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et quand le spatial a démarré, on est parti avec cette idée qu'effectivement, la vie, c'est quelque chose de générique, c'est une propriété générique de l'univers. Les atomes donnent des molécules, les molécules D'accord. donnent des molécules organiques, les molécules organiques vont donner de la vie. Donc, il y a de la vie partout. Et vous imaginez que ce ne serait pas le cas ? Et les premières missions spatiales, dès qu'on a eu la capacité d'aller voir ailleurs, c'était Viking, ce n'était pas pour aller voir s'il y a de la vie sur Mars. C'était pour caractériser la vie sur Mars, s'il y a de la vie sur Mars. C'était pour étudier le métabolisme de la vie sur Mars, pour savoir si c'était du type justement CO2 qui donne H2O. Donc la vie est moins universelle que ce qu'on imagine. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Viking est envoyé et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Il ne restait plus qu'un candidat où ça pouvait marcher. Viking n'a rien trouvé. Exactement, tout ce qu'on a trouvé sur Mars pouvait s'exprimer sans le vivant. Et aujourd'hui, comprenant ce qu'est Mars, c'est même étonnant de penser, c'est quand même pas si vieux que ça, que les gens ont pu penser qu'à l'endroit en plus ils sont posés, il ait pu y avoir, mais il n'y a même pas de molécules, c'est détruit par un rayon ultraviolet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme autre objet ? Il y avait Titan, dernier objet à avoir éventuellement de l'eau à l'état liquide. Donc le plus gros des satellites de Saturne. On y va, mission Voyager, qui était faite que pour ça. Départ 77, on arrive en 81. Et les gens étaient convaincus qu'on allait voir de l'eau, parce qu'il fallait trouver de l'eau dans le système solaire. Et on sait bien sûr qu'il n'y a pas eu d'eau sur Titan. Il y a un lien entre l'eau et la vie, bien sûr. L'eau et la vie, parce qu'il y avait... On comprend juste aujourd'hui, à l'époque, personne... D'ailleurs, c'est très étonnant pourquoi il y a toujours cette idée que l'eau et la vie sont liées. On sait maintenant pourquoi, mais on ne va pas repartir là-dessus. Non. Mais il y a cette idée-là, et c'est progressivement qu'est en train de s'asseoir une toute autre idée, qui est qu'effectivement... Les chemins d'évolution sont beaucoup plus complexes et que la vie n'est pas forcément une propriété générique de l'univers. Et les gens qui ont créé donc l'astrobiologie sont partis de cette idée parce que c'est très anglo-saxon et les anglo-saxons sont toujours dans cette idée-là parce qu'ils sont quelque part dans cette idée de pluralité des mondes. Et nous qui travaillons sur les affaires martiennes, on s'empaille très sérieusement avec eux parce que Mars est le meilleur des candidats pour montrer qu'il peut y avoir des destins différents et qu'il faut s'habituer à l'idée que peut-être qu'effectivement, en tout cas dans notre système, et peut-être nulle part ailleurs dans notre galaxie, voire dans l'univers, il a pu y avoir les mêmes conditions. En particulier de l'eau à l'état liquide, c'est extraordinaire. Il y a de l'eau partout, mais jamais à l'état liquide, à la surface. Bref, cette notion d'astrobiologie est très intéressante parce qu'elle se pose cette question-là, mais quelque part d'une manière un peu médiévale. C'est-à-dire, il y a de la pluralité partout, des mondes, et il faut aller la chercher. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire rentrer l'astrobiologie dans son ère scientifique. C'est-à-dire qu'on a une approche scientifique maintenant pour se poser cette question-là. Et ce qu'on appelle une approche scientifique, c'est-à-dire qu'on part d'une observation, on se construit une représentation, on fait une prédiction observationnelle, et on construit l'observation qui va permettre de nous dire si on s'est trompé ou pas. Et on avance comme ça. Et plus on avance, plus on s'aperçoit qu'en fait, cette idée de la vie comme processus générique de l'évolution est probablement biaisée. Biaisée, d'accord. Alors, on a pas mal de questions, et donc je vais vous demander des réponses courtes, monsieur. Ah, alors moi j'ai deux questions, désolé. En fait, je vais revenir sur les retours sur investissement. Premier retour sur investissement pédagogique, parce que dans le CNES magazine, on voit de Philae à Philea, où des lycéens ont contribué à Philea, qui est un peu le jumeau de Philae. Et autre question sur les retours sur investissement, à savoir les astéroïdes sont vus de certaines sociétés commerciales pour exploitation de métaux et autres. Et étant donné que Rosetta fait deux grandes premières, un survol plus un atterrissage, est-ce qu'il n'y aurait pas des retombées, des contrats ou du moins des choses indirectes qui se feraient plus tard? Oui. Alors des réponses courtes, on a pas mal de questions. Sur la deuxième, on est encore très loin, même pour les astéroïdes qui pourraient être plus intéressants du point de vue des métaux, etc., d'aller les chercher, de pouvoir les ramener sur Terre. Ça coûterait extrêmement cher. On est toujours dans la phase d'exploration et je crois qu'on va y rester encore longtemps avant d'être capable de passer à la phase d'exploitation. Il faudrait penser capturer peut-être les astéroïdes, les amener dans l'orbite terrestre, après les ramener sur Terre. Je sais pas, mais 1000 ans, quoi. 1000 ans. Ah oui, d'accord. La technologie des lanceurs doit être révolutionnée avant qu'on en arrive à ça. Parce donc, que là, donc on a du mal à sortir de la Terre. Attention à la bulle, alors, avec ces sociétés-là, on est d'accord? Donc, voilà, c'est encore de la science-fiction, cette partie-là. Alors, Philea, c'est en effet un modèle, enfin, à l'échelle 1 de Philae, qu'on a fait faire par des étudiants, mais bien c'est sûr... C'est une maquette, c'est ça? C'est une maquette. Oui. Qui est, comment dire, bouge, qui, dont les instruments peuvent être déployés, etc. Mais on est encore très très loin de l'atterrisseur lui-même, parce qu'il n'y a pas les conditions de thermique, il n'y a pas toute l'électronique dedans, etc. Mais c'est très très bien pour les étudiants, qui sont des étudiants de bac à bac plus 2, et ça leur permet de voir la technologie, de travailler tous ensemble. Il y a une quinzaine de lycées qui travaillent à différentes parties, certains des instruments, les autres le landing gear, etc. Et, landing gear, c'est le train d'atterrissage. Voilà, c'est le train d'atterrissage. Ils apprennent à travailler, à faire des parties, à s'échanger les données. Et on va voir au bout du compte si on arrive à intégrer l'ensemble et à ce que tout fonctionne. Donc il y a de l'informatique, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique. Et c'est très intéressant, je pense. Ils sont tous emballés par le projet. Retombée pédagogique, alors, voilà. Comme disait monsieur. Madame. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est plus intéressant ou indifférent de viser une comète plutôt qu'un astéroïde? Et j'avais en mémoire la mission Marco Polo qui n'a pas été retenue. Est-ce qu'on fait toujours une grande différence entre les comètes et les astéroïdes sur leur composition? Tu compléteras, parce que... La mission Marco Polo, c'était une mission qui visait à aller voir justement un astéroïde et à poser même et faire un retour d'échantillon. Oui, c'est ça. Oui. Il y a, à mon avis, et puis elle n'a pas été retenue par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Deux types d'exploration d'astéroïdes. Il y a l'astéroïde de la ceinture principale qui se trouve entre Mars et Jupiter. Les astéroïdes peuvent être intéressants parce que justement il y a des matières carbonées, il y a potentiellement un petit peu de chimie organique. La limite en plus entre comètes et astéroïdes peut évoluer. Il y a des astéroïdes qui dégazent, donc un petit peu comètes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à aller voir. C'est comme l'inanimé et le vivant dont parlait. Oui. Jean-Pierre Vibring, il y a peut-être un continuum entre l'astéroïde et la comète? Tout à fait. Et l'autre intérêt d'aller observer les astéroïdes, c'est d'aller voir les géocroiseurs, parce que ceux-là peuvent nous tomber sur la Terre. C'est un géocroiseur. C'est un astéroïde qui croise la Terre. Dont la trajectoire croise celle de la Terre. Et qui potentiellement, un jour, peut tomber dessus. Alors, si c'est 10 mètres, ça fera un petit trou de 100 mètres. Mais s'il fait 1 km, ça va faire un gros trou qui est. Qui va engloutir donc, Paris. Voilà. S'il tombe sur Paris. Au moins. Donc, il y a un intérêt à aller les voir pour essayer de les dévier, pour essayer, dans le futur, de les éviter. Voilà. Monsieur. Oui, moi, je reviens à des sujets plus prosaïques, on peut dire, sur la technique de la mission. Alors, deux questions complètement séparées. Une sur les panneaux solaires où on s'inquiétait du fait qu'ils risquent d'être couverts de poussière. Alors je me demandais si à défaut d'essuie-glace, qui serait peut-être pas la bonne technique, est-ce qu'on a envisagé des techniques du genre de ce qui se passe par exemple sur les capteurs d'appareils photo où il y a un système qui permet de les secouer pour éliminer les poussières. Et la deuxième question, c'est sur le fonctionnement de l'atterrisseur, enfin, je ne sais plus comment on dit, le filet, qui doit se poser, si j'ai bien compris, de façon quasiment passive. C'est-à-dire qu'on le lance et puis il retombe comme si quelqu'un avait shooté dans un ballon à peu près. Et il semble y avoir une sorte de petit propulseur, mais qui, au lieu de le freiner, sert au contraire le plaquer au sol. Alors je me demandais, est-ce que là aussi, on n'avait pas imaginer, alors peut-être que c'était trop compliqué, d'avoir quelque chose dans ce genre-là pour au contraire le soulever et lui permettre de faire quelques bonds de façon à explorer plusieurs endroits, puisque je pense que la vitesse de libération, ou la vitesse de, même pas de libération, mais pour survoler la comète doit être très faible. Je ne sais pas combien c'est, mais ça doit être quelques mètres par seconde à peu près. Centimètres par seconde. On va écouter ça, comme on ne connaît pas la masse exacte de la comète, c'est difficile de répondre à la question. Mais c'est de l'ordre peut-être au maximum. Enfin, pour une grosse. Enfin, une la question, lourde, c'est quelle force, j'en reviens à l'idée de force, quelle force faut-il appliquer sur l'appareil Philae pour qu'il décolle? Et c'est quoi? Extrêmement faible, ça. C'est-à-dire. Il suffirait d'avancer à quelques centimètres par seconde pour qu'il décolle. Quoi. On fait comme ça, il part. Ouais. C'est-à-dire, je le pousse du doigt et il décolle. Parce que la force de gravitation, encore une fois, est très faible, celle de la comète. On est dans une microgravité qu'on retrouve dans la station spatiale. Donc, vous voyez, il y a une gravité, mais... C'est un peu plus lourd, quand même. Non. Oui, mais... Enfin, oui. Non. C'est Alors, la première question, c'est l'appareil photo. Il y a des systèmes qui permettent de secouer un peu L'essentiel de la réponse est facile. C'est qu'on aurait pu le concevoir, on ne l'a pas conçu de toute manière. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y va pas, on ne va pas le réparer, il est comme il est. Donc, est-ce que c'est envisagé de pouvoir sauter, n'est-ce pas? C'est ça la question. Non, la première, c'était de nettoyer les panneaux solaires. Les panneaux solaires. On pourrait être un petit peu long là-dessus, mais la genèse de cette expérience, à nouveau, ce n'est pas une agence spatiale qui a fait ça. C'était, quand on a démarré ce projet-là, c'était comme si on faisait un instrument en fait. Donc on avait des moyens très limités, il fallait rester à des faibles coûts dans un environnement très contraint, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a essayé de faire au plus simple. Et parmi les choses en particulier que les Français ont poussé, c'était l'idée au contraire de travailler quasiment sans panneaux solaires, avec des batteries, on se pose, on essaie de faire tout de suite, parce qu'on sait que la survie est quelque chose de très difficile. Les Allemands, eux, ils étaient plus dans l'idée de faire de la longue durée avec les panneaux solaires. Donc on a fait un compromis entre les deux. Mais le compromis, c'est qu'on va s'assurer pendant quelques jours de pouvoir faire, et le reste, à nouveau, c'est du bonus. Avec les moyens du bord. Enfin, c'est un français qui parle, parce qu'en allemand, il ne présenterait peut-être pas les choses comme ça. Si, parce que maintenant, il est très content qu'on ait quand même une possibilité de travailler avec 1000 watts pendant quelques... Donc, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment dans l'inconnu. On dit qu'il faut balayer, mais on ne sait pas contre quoi. Si l'environnement était... On ne sait pas comment... On espère pouvoir s'orienter, mais on n'est pas du tout sûr de pouvoir s'orienter. S'orienter, parce que c'est-à-dire quoi au moment tourner, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de tourner, mais on n'est pas sûr de pouvoir tourner. Il y a le tripode, on a une possibilité de tourner. Mais la plateforme peut tourner. Pourquoi il faudrait tourner? C'est pour s'orienter par rapport au soleil, bien sûr. Si on a le soleil dans le dos, c'est pas très bon pour les panneaux solaires. Eh bien, même ça, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Une fraction des panneaux solaires ne va pas être dans le dos. On va avoir probablement, ils vont être dans l'ombre. Et donc, parce qu'ils vont être dans l'ombre, ils vont voir probablement la surface qui, elle, est éclairée. Donc, la glace va partir. Elle va venir se coller sur les panneaux et elle va y rester. Et donc, parce qu'on va être le plus froid. À un moment donné, toute partie à l'ombre va être plus froide que la partie qui est éclairée par le soleil. Et parce que ça va être le plus froid, eh bien, dès qu'une molécule va tomber dessus, elle ne va pas en repartir. Vous faites un calcul rapide qui est difficile à faire parce qu'on ne connaît pas trop l'environnement local. Mais en combien de temps vous allez devenir un igloo? C'est-à-dire vous allez avoir plusieurs monocouches de glace qui vont faire que de toute manière, vos panneaux solaires, ils vont plus voir le soleil parce que vous mettez un peu de glace, c'est vite réfléchissant. Hein. Et donc on n'en sait rien, mais ça peut être des jours, ça ne va pas être des semaines. Et donc, il faut beaucoup de chance, il faut avoir une bonne orientation, il faut que le système marche bien. Donc, on aurait pu concevoir ça, mais vous voyez que le plus efficace, quelque part, ça aurait été d'avoir des chaufferettes partout pour tout réchauffer. C'est quoi une chaufferette? Une chaufferette, c'est une résistance qui chauffe. Mais une résistance qui chauffe, ça veut dire qu'il faut de l'énergie. Et comme l'énergie, c'est justement ça que... Bon. Donc, ça se mord la queue. Donc, on a pensé un système qui est autre, qui est essentiellement travailler sur l'impulsion. On travaille rapidement, on fait au maximum. C'était ça l'idée de base. Alors maintenant, pour l'histoire de rebondir, il se trouve que une des personnes qui a conçu ce système-là, qui est hélas M. Rosenbauer d'un labo en Allemagne, il avait énormément d'idées, dont celle-là, de faire ce qu'on appelle un hopper en anglais, un truc qui permet de sauter comme ça. Et rapidement, on s'est aperçu que plus vous complexifiez les choses, plus les choses de base, vous n'allez pas être capable de le faire. Et si vous vous donnez les moyens d'avoir la possibilité de sauter comme ça, c'est au détriment de choses que vous pourriez faire si effectivement vous restez dans un endroit, mais au moins vous le faites mieux, sans dire que vous le faites bien. Et donc le compromis, c'est de dire, on essaye éventuellement de tourner, mais on ne saute pas. Et non seulement on ne saute pas, mais on s'ancre très fortement pour que, par exemple, on veut s'ancrer, on a des ancres. Il y a trois systèmes pour s'accrocher, on a deux ancres qui vont être larguées. Alors, on peut dire, peut-être que ça... Est-ce que Philippe Godot, vous pouvez raconter comment on s'ancre à la comète? Donc, il faut imaginer, la petite filaille à 100 kg, 1 mètre cube qui est en train de descendre, lentement, 4 km/h, la vitesse d'un homme au pas. Il arrive et puis à un moment donné, il va y avoir contact. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je ne m'ancre pas? La première chose, c'est qu'on espère que les accéléromètres à bord vont détecter le moment de l'atterrissage. Alors, imaginons que je ne m'ancre pas. Qu'est-ce qui se passe si je ne m'ancre pas? Vous posez. Soit on est dans un sol extrêmement mou et on peut venir peut-être s'enfoncer dedans. Ouais. Voilà. Soit on est sur un sol plutôt dur et là, c'est le rebond. Qu'est-ce qui se passe si je rebondis? Eh bien, on repart plus ou moins, et puis on repart possiblement dans l'espace. Oui, mais surtout, on risque de repartir n'importe comment, parce que vous n'allez pas atterrir sur un endroit extrêmement plat. Donc, il faut s'agripper. Voilà, immédiatement, l'objectif, c'est de s'agripper. Alors, on s'agrippe de quelle manière? Alors, premièrement, dès qu'on a détecté ce moment d'atterrissage, le logiciel de vol déclenche ce propulseur, qui est là pour maintenir, pendant une trentaine de secondes, l'atterrisseur contre la comète, contre le sol de la comète. Et pendant ce temps-là, on va lancer les deux harpons. Ah, il y a des harpons? Il y a des harpons qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m de profondeur. Donc c'est eux qu'on voit là, les deux petits là? Voilà, exactement. C'est deux flèches. Alors, si vous prenez cette image-là, on voit Philae au moment où il est en train de se poser. On voit Philae en train de se poser. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule patte là qui est en train de toucher le sol. Les deux autres vont bientôt toucher le sol. Et juste sous Philae, en dessous du corps central, on voit deux espèces de flèches. De flèches, ouais. Voilà. Et c'est ça, les harpons. Donc les harpons sont tirés. Sont tirés, voilà. Je ne me rappelle plus la vitesse, mais c'est une grande vitesse. Et on peut descendre jusqu'à 2,50 m de profondeur. Ah oui. Là, on va s'ancrer là pour le coup, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai un petit moteur, mais qu'on ne voit pas, qui est sur le dessus. Alors ça, c'est, on le voit, c'est le jet. Oui, c'est ça. Voilà, donc, au-dessus de Philae, vous voyez une espèce de petite colonne. En réalité, on ne le verra colonne pas. Blanche. Oui, d'accord. C'est une petite colonne blanchâtre. Ah. C'est le jet figuré là, mais dans la réalité, on ne le verrait pas. D'azote, un jet d'azote. Oui. Donc, pour pousser Philae, le plaquer au sol. Ouais. Voilà. Et donc, parce qu'en plus, lancer les harpons sans ce propulseur-là, aussi, par force de réaction, le rééjecterait. Il vaut mieux pousser. Il faut le maintenir poussé. Et donc, ces harpons ont, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un système qui empêche le retour. C'est ça, un peu comme une pointe de flèche, là. Voilà. Et il y a même deux petits systèmes, suivant la dureté du sol. Et après, il faut mettre en tension le fil. Pour maintenir véritablement l'atterrisseur arrimé au sol. Il faut treuiller, là. Il se rétracte. Ça se rétracte, d'accord. Si on n'a pas cette tension-là, notre foreuse ne forera pas le sol, on soulèvera le landeur. Si on veut forer, on soulèvera l'atterrisseur. On s'envoler avec la foreuse, d'accord. Il faut à tout prix une tension. Comme a dit Pagnol, après, ce n'est pas l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Oui, voilà, c'est ça. et donc, alors, il y a un troisième système pour s'ancrer. Alors, c'est les pieds. Il y a un système un peu de tire-bouchon. Voilà. Mais si vous regardez les pieds, là, si vous regardez l'image finement, là, le pied gauche, ça se voit bien sur le pied gauche, on voit l'espèce de petit tire-bouchon. Hein. Oui. C'est un système purement mécanique, vraiment du tire-bouchon, c'est-à-dire que quand les deux bords se rétractent à cause de l'atterrissage, cette partie centrale, au contraire, se déploie. D'accord. Et vient se mettre dans le sol. Et empêche surtout un atterrissage, je pense, latéral. C'est-à-dire que si on a une petite vitesse latérale. Normalement, tous nos calculs sont faits pour atterrir avec une vitesse purement verticale. Mais on ne peut pas empêcher, suivant l'endroit, suivant la pente, d'atterrir avec une petite vitesse latérale. Et ça empêchera le renversement, quoi, en fait. Le dérapage. D'accord. Monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose? Oh, d'accord. Une petite virgule musicale, Xavier. Bienvenue. Un petit coma. On avait pensé avec les Allemands à fabriquer des systèmes hyper évolués. Mais des problèmes financiers ont fait que finalement, pour que la mission dure, ce sont des cierges qu'il faut brûler. Merci Xavier. Monsieur. Merci. Comment fait-on en pratique pour s'assurer de la bonne orientation de la sonde avant qu'elle se pose ? L'orientation est aléatoire, en fait. Hein. On ne s'en assure pas. On a complètement, j'espère. Non, on a un axe qu'on maîtrise parfaitement, l'axe vertical dans lequel on doit atterrir. Celui-là est le même que celui dans lequel on va séparer le lander de l'orbiteur. Il va être constant durant toute la descente. Mais par contre, la rotation autour de cet axe-là n'est pas maîtrisée. Et il y a des forces qu'on appelle perturbatrices, du genre le dégazage ou autre, qui, pendant la descente, vont amener une rotation. Et nos calculs montrent qu'on a 360 degrés d'incertitude. Donc on va atterrir. Maîtriser l'axe vertical, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on a mis à l'intérieur une roue à inertie qu'on lance avant la séparation et qui ajoute, qui met un couple gyroscopique à l'intérieur de l'atterrisseur et donc qui maintient cet axe fixe, quasiment fixe, pendant toute la durée de la descente. Et là, nos calculs montrent que s'il est dévié, c'est quelques degrés, 2-3 degrés seulement. Donc, après qu'on ait atterri, on va très très vite pour essayer de recalculer là où on atterrit et notre position d'atterrissage et notre orientation par rapport au Soleil. C'est une de nos premières activités pour, si on est très mal arrivé, essayer de se réorienter au mieux par rapport au Soleil. Mais si je peux rajouter une phrase, même si on est mal arrivé, ça veut dire qu'on est quand même très bien arrivé. Le but, c'est vraiment de se poser. Après l'angle dans les 360 degrés, honnêtement, qu'on s'en fiche. Ça serait mieux de ne pas avoir besoin de tourner, d'avoir déjà le soleil là où on veut par rapport au panneau solaire. Ça serait mieux. Mais honnêtement, le risque énorme que l'on a actuellement, c'est quand même de ne pas pouvoir se poser comme on souhaiterait se poser. On a trois pieds. Est-ce qu'ils vont se déployer tous les trois? Est-ce qu'il y en a un qui va se casser? Est-ce qu'on va vraiment se poser dessus et non pas rentrer? Si c'est de la crème catalane avec une petite truc et qu'on plonge, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, je veux dire, les incertitudes, les risques sont tellement énormes. Il faut qu'on s'habitue d'abord à vivre avec ça. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'à nouveau, on a très peu de degrés de liberté. On a ces trous qui tournent. L'essentiel du degré de liberté qu'on a, c'est l'orbiteur qui va nous le donner. C'est d'avoir une trajectoire qui nous permet de nous éjecter au moment que l'on souhaite avec le vecteur vitesse dans le module et la direction qu'on veut. C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, ça fait quand même très peu de choses. Si la comète ne coopère pas parce qu'elle est trop active et que l'orbiteur ne peut pas s'approcher suffisamment, eh ben, les risques sont énormes. Ça c'est possible, hein, qu'on s'aperçoive que la comète est déjà trop active et que Rosetta, que la sonde, que l'orbiteur ne puisse pas se rapprocher suffisamment parce que ça lui ferait prendre trop de risques, c'est ça? Si vous voulez passer juste au-dessus de Chamonix, entre le Brévent et le Mont-Blanc, vous voyez, à cette altitude-là, et que si c'est la seule possibilité, je peux comprendre que l'orbiteur dise « Attendez, on reste au-dessus ». Oui, voilà, pas trop de risques. Je crois que l'Agence spatiale européenne a dit d'ailleurs que la priorité, c'était l'orbiteur. Voilà, Non, ils n'ont pas dit ça non plus. Il est évident pour tout le monde que si on n'arrive pas à poser, ça ne sera pas simplement un échec des gens qui ont travaillé beaucoup sur Lander. C'est la mission qui sera quand même en situation d'échec. Mais on ne va pas tout mettre. On ne va pas être kamikaze. C'est le début de la mission pour tout le monde. Donc, voilà. C'est pour ça que quand on vous disait que c'est aux alentours du mois de novembre, ce n'est pas exclu qu'on soit obligé d'anticiper de 2-3 semaines. Si on s'aperçoit que 2-3 semaines font la différence. Si on s'aperçoit qu'à 3 semaines près, la comète commence à bouillir un peu et que 3 semaines plus tôt, on a plus de chances, même si l'incertitude est plus grande, etc., mais que ça nous permet d'être largué de plus basse altitude, on va peut-être le faire. Je voulais qu'on regarde cette image-là. C'est l'image toute noire avec deux ronds rouges. Et parce qu'il y a une question quand même assez intéressante. C'est qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui le 67P Churyumov-Gerasimenko, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait d'elle? C'est très vite résumé, on n'en sait pas grand-chose. Le diamètre moyen, 4 km. une période de rotation sur elle-même de 12h,6. Ça, on sait quand même. Comment est-ce qu'on l'a déterminé, des choses comme ça ? Parce qu'avec des courbes de lumière, en l'observant depuis la Terre ou depuis Hubble, et en croisant les données avec différentes longueurs d'onde, on voit qu'il y a une période où la lumière change sur une période de 12h. 12,6 heures. Donc, elle tourne sur elle-même en 12,6 heures. Voilà. Mais à part ça, sa masse peut varier d'un facteur 10. Sa masse peut varier d'un facteur 10. Oui, le dégazage, on le fait varier d'un facteur 100. Ah oui. Oui. Et après, l'intérieur, on calcule un potentiel gravitationnel. La dureté du sol, là aussi, soit c'est de la crème catalane, soit c'est, alors, c'est du granit. Une très grande incertitude, c'est on ne sait pas et on ne saura pas, avant d'atterrir, quelle est la dureté du sol. On n'a aucun... instrument sur l'orbiteur qui pourrait nous aider. Alors peut-être Niro un tout petit peu sur quelques millimètres, mais on aurait besoin de connaître un peu plus que ça. Donc c'est une grande incertitude, ça. Par contre, nos collègues qui ont fabriqué les pieds et le train d'atterrissage disent, eux, qu'ils ont pris un facteur 1000 sur les caractéristiques du sol. Donc ils nous garantissent qu'on va atterrir, qu'on soit sur une crème catalane ou autre chose. Mais bon, est-ce qu'on doit y croire à 100%? Nos collègues de la NASA, eux, nous prédisent plutôt qu'on s'enfonce jusqu'au niveau de la plateforme. C'est-à-dire que l'ensemble des pieds serait plutôt en profondeur. Mais alors, est-ce qu'on va pouvoir tourner quand même pour se mettre dans le sens Ça serait très embêtant. Mais trompe la NASA. Hein. Vous les connaissez bien, Jean-Pierre Bimini, la NASA. Bon, une dernière question peut-être avant qu'on se quitte avec Rosetta. Alors, monsieur, à nouveau. Non, madame, je vous en prie. Vous dites atterrir, ça vient de Terre. Est-ce qu'on pourrait pas dire accomplir? Pour la comète. Moi, je vais vous proposer quelque chose d'autre. Je vous propose Ashuryumov Gerasimenko Ir. Oui. Pas mal. C'est la Terre de manière générique. Là, en anglais, ils font la différence entre la Terre, la planète Earth, et la Terre, Land. Donc on dit lander. On atterrit sur quelque chose de solide. Et nous, on utilise le même mot, c'est pour ça. On atterrit parce qu'on est sur de la Terre, sur un sol. Il faudrait dire assolir, peut-être. Monsieur Bibring, prenez un micro, si vous voulez. Non, on ne met pas de T majuscule, c'est tout. Dès qu'on met un T non majuscule, la Terre devient de la Terre. Et non pas la Terre. C'est une question. Je ne sais pas du tout si c'est dans le sujet, mais on n'a pas du tout parlé de champ magnétique. Est-ce que c'est complètement hors sujet ou est-ce que ça intervient quelque part? Ce n'est pas hors sujet dans la mesure où on embarque justement un magnétomètre pour savoir s'il y a un champ magnétique. Donc c'est une vraie question. S'il fallait parier aujourd'hui, on dirait qu'il y a très peu de chances, l'idée que l'on se fait de la fabrication d'un champ magnétique, qu'il y ait un magnétisme dans cet objet-là, parce qu'il n'y a rien qui entretient le champ magnétique, mais il peut y avoir des matériaux magnétiques. Il peut y avoir de la magnétite, il peut y avoir des matériaux qui, formés encore une fois très tôt dans l'histoire, ont conservé des propriétés magnétiques. Ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que le magnétisme que l'on a aujourd'hui dans le noyau, c'est un magnétisme qui a été fabriqué dans l'effondrement même du nuage, c'est-à-dire qu'il y avait autour du soleil naissant un champ magnétique qui s'est imprimé dans des matériaux et qui aurait conservé ce magnétisme jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est sûr, mais en tout cas, on emporte un magnétomètre extrêmement sensible qui n'a jamais eu cette sensibilité-là, précisément pour mesurer ça. Il y a d'autres choses qui sont liées au magnétisme. C'est que vous ne savez pas que le soleil a une atmosphère qu'on appelle sa couronne, qui est en expansion continue, ce qu'on appelle le vent solaire, qui en fait emporte un champ magnétique avec elle. Il y a entre les planètes, un champ magnétique interplanétaire qui se promène comme ça. Et quand ce champ magnétique passe à travers une planète ou une comète, ça correspond à un obstacle qui va le dévier. Et en étudiant la déviation du champ magnétique interplanétaire qui vient du Soleil par cet objet-là, on en remonte aux propriétés de l'objet lui-même. Donc voilà pourquoi on embarque un magnétomètre. Donc non, les propriétés magnétiques, c'est un vecteur très important d'information, même si on pense qu'il y a très peu de raisons de penser qu'à nouveau qu'il y a de champs magnétiques. Mais si on en découvre, ça sera une information très importante. Alors, je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain à propos du changement climatique, dont il a été question d'ailleurs aujourd'hui. Changement climatique plus grave que prévu, point d'interrogation. On va se poser cette question-là. Il y aura Jean Jouzel qui sera là, vous savez, le grand climatologue Jean Jouzel, qui participe activement au GIEC, qui est... prix Nobel, hein, il faut s'en souvenir. Voilà, je disais tout à l'heure que Jean-Pierre Bibring, vous n'aimiez pas parier. Je me suis complètement trompé. Et vous aussi, Monsieur Gaudin, je me suis complètement trompé. En fait, il y a un pari absolument gigantesque. Et je crois qu'on s'en est rendu compte aujourd'hui parce qu'il y a quand même énormément d'incertitudes. Finalement, on ne sait pas sur quoi on va se poser. On sait extraordinairement peu de choses des comètes. Donc, il y a un énorme pari. Mais c'est aussi ça qui est passionnant. C'est qu'on va probablement en savoir plus. Le gain est potentiellement gigantesque. Beaucoup d'incertitudes, pas mal de risques. Mais un gain gigantesque, peut-être, je vais trop vite, hein, vous m'excusez, parce que j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, mais voilà. Le secret de la vie. Non, je vais trop loin. Mais voilà, en tout cas, on veut aller gratter un peu de ce côté-là et en savoir un petit peu plus sur ces chaînons manquants de la vie. Si on y arrive, ce sera en grande partie à vous qu'on le devra. Merci infiniment, Jean-Pierre Bibring et Philippe Gaudon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. À très bientôt, merci beaucoup. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.